This is what you came for. Lightning strikes every time she moves. Et c'est pas fatigué sur la fin des paroles. Calvin Harris, Rihanna sur Virgin Radio et le warm-up de retour lundi dès 5h. Et d'après une étude que je viens d'inventer, en écoutant Virgin Radio ce matin, vous serez en week-end ce soir. Uniquement en écoutant Virgin Radio. Camille arrive dans un instant, il sera avec Clément, Laure et Pauline. Ils payent votre loyer à 6h20, ils arrivent juste après l'actu puisqu'il est 6h. Les infos sur Virgin, c'est avec Tristan. Sarah, salut Tristan. Salut Robin, bonjour à tous. Il va faire beau aujourd'hui sur la région parisienne, le nord-est et la vallée du Rhône. En revanche, la pluie et les orages seront de retour dès ce matin par la façade atlantique. Ce sera très humide d'ailleurs tout ce week-end. Un mercure à 22 degrés en moyenne pour cet après-midi. C'est parti pour un mois de football. L'Euro 2016 va débuter ce soir avec la rencontre France-Roumanie à 21h au Stade de France. Deux des 24 équipes qualifiées. 51 matchs disputés dans une dizaine de stades à Lyon, Marseille, Bordeaux ou encore à Saint-Etienne. La finale, ce sera le dimanche 10 juillet. La 15e édition du championnat d'Europe des Nations qui s'ouvre dans un contexte social très compliqué. La grève des pilotes d'Air France s'ajoutera dès demain à celle des éboueurs et des cheminots. Le trafic sera encore perturbé aujourd'hui. 4 TGV sur 5 et 7 TER sur 10. L'État n'exclut pas de réquisitionner du personnel pour faire circuler les trains. Les taxis et les VTC ont obtenu gain de cause. La société Uber a été reconnue coupable de complicité d'exercice illégal de la profession de taxi. Elle a été condamnée à 400 000 euros d'amende pour son application Uber Pop. La société va faire appel. Les députés ont voté cette nuit la réduction de la validité des chèques. Elle passe ainsi de 1 an à 6 mois seulement. Objectif, encourager les Français à délaisser les chèques bancaires et utiliser d'autres moyens de paiement. Les Français font 37 chèques par an en moyenne contre un seulement en Allemagne. Silvio Berlusconi, victime d'une attaque cardiaque ce week-end à Rome. Il a été hospitalisé dans un état grave entre la vie et la mort. À 79 ans, l'ancien chef du gouvernement italien va devoir être opéré du cœur. Intervention qui devrait durer 4 heures pour remplacer une valve de l'aorte. Barack Obama s'enflamme pour Hillary Clinton. Sans surprise, le président américain annonce son soutien à la candidate démocrate pour l'élection du 8 novembre. Ils seront sur scène ensemble dès mercredi prochain lors d'un meeting de campagne dans le Wisconsin. De son côté, Bernie Sanders a indiqué qu'il voulait travailler avec Hillary Clinton pour battre Donald Trump lors de la présidentielle. Retour au sport avec la finale du championnat de France de basket relancée. L'ASVEL a remporté le match numéro 3, 90-69 hier à Villeurbanne face à Strasbourg. L'ASVEL qui tentera donc de prolonger le suspense dès demain soir dans ce duel très disputé et au meilleur des 5 rencontres. Les ennuis continuent pour Rafael Nadal. Déjà contraint au forfait à Roland-Garros, le Mallorquin doit maintenant faire une croix sur Wimbledon qui débute le 27 juin en cause sa blessure au poignet. Il veut se préserver pour les Jeux de Rio. Et puis de la Formule 1 ce week-end, le Grand Prix du Canada à Montréal avec les essais libres dès cet après-midi, les qualifs demain soir et la course dimanche à partir de 20h heure française. Après 6 Grands Prix, c'est l'Allemand Nico Rosberg qui domine le championnat. Voilà pour l'actu, tout de suite c'est Virgin Tonic avec Camille Combal, Laure, Pauline, Ginger, Nico et Clément. Bon réveil. Bonjour à tous, je suis Marine d'Avignon. Nous sommes vendredi 8 juin et ce soir c'est le week-end. Wouhou! Moi ce soir j'ai regardé hier soir j'ai regardé l'ouverture de l'Euro avec David Guetta. Bon, il y avait beaucoup de monde. Hein. Voilà, je déclare l'émission officiellement ouverte. Bonjour la France! Bonjour! C'était bien cette cérémonie d'ouverture? J'ai regardé un petit bout, il y avait du monde. Voilà. 80 000 personnes. Qui a regardé dans l'équipe? J'ai pas vu, moi. Moi, j'ai pas vu. Tu me regardes. Quoi? Tu me regardes, bien sûr que non, j'ai pas regardé. Non, mais là, c'était avec genre des musiciens, c'était pas le foot. Un concert. Non, non, ouais. T'as regardé Ginger? Ouais, c'était David Guetta en fait, avec plein de guests. Et sur Twitter, Will.i.am il s'est fait détruire parce qu'apparemment c'était une catastrophe. Il chantait faux, c'était un peu le truc de la soirée. C'était Will.i.am cata total, quoi. Oh. Qui a regardé dans l'équipe? Nico du bureau? Non, j'ai jeté un œil vite fait, mais effectivement, jeté un œil. Effectivement, il y avait Christophe Maé, il y avait aussi. Mika aussi, j'ai pas vu. Ouais, il y avait Soprano qui a fait Cosmo, mais je crois que le Cosmo qu'il a fait au Dôme de Marseille avec nous était un peu mieux, quoi. Il y avait Kenji aussi. Ouais. Du bon tout ça, ouais. Propos du standard. Non, j'avoue, j'ai pas regardé, j'avais un date. Oh. Un date? Oui, alors, c'est bientôt l'été. Son prénom? Oh non. Benjamin. Benjamin? Ouais. J'adore ce prénom. Ah bon? Ouais, moi, je pense que. Bah, si j'ai un fils, je l'appellerai comme ça. Benjamin? Ouais, j'adore. Mais pour quel motif? Parce que j'adore le surnom Ben. Ben. Juste pour ça? Ouais. Moi, je l'accepte. À propos du son, ça s'est passé comment? Ça s'est bien passé, mais il est pas hilarant. Ah. Non, mais c'est horrible, le pauvre, je détruis déjà, quoi. C'est-à-dire, il t'a pas fait rire avec ses blagues? Bah, il m'a pas fait. Ouais, j'ai besoin de rire, moi. Non, mais vraiment, mais genre du début à la fin, j'ai besoin de rire. Et j'avoue, j'ai un peu envoyé des textos à des copines, c'est que je m'ennuie un peu. Nico du bureau. On se dit quand même que la légende est là, elle ne laisse aucune chance à ces gars quand même. Mais il y a un gars quand même, tu racontes Ben, ça fait 1000 ans que t'es toute seule et tu lui laisses pas aucune chance. Non mais ça fait longtemps. Ouais, mais je vois des gens, tu sais, des fois, mais bon, j'arrive pas à conclure quelque chose avec quelqu'un parce que je cherche. Tu dis quoi, Marine? Il faut quand même qu'elle fasse une petite sélection. Ah oui, à un moment donné, on est trop exigeant. C'est comme quand tu cherches un appart, t'as plein de sélections et à un moment donné, il faut faire le deuil sur plein de trucs, Clément. Tu fais comme Didier Deschamps avant l'Euro, tu fais la liste des 23, tu gardes les 23 de l'année et tu les fais tourner dans l'été. Oui, Laure. Non, mais peut-être que justement, elle lui plaît vraiment et qu'il avait le stress et que voilà, il était tendu, il lui a pas fait rire, mais il faut donner une deuxième chance au produit quand même. Non, mais je vais lui donner une deuxième chance, mais moi, je veux pas de stress. Je veux le mec sûr de lui. Puis je cherche l'homme de ma vie, moi. Moi, je l'aime bien, ce Benjamin. Ah ouais? Je le sens bien. Il fait quoi dans la vie? Il est graphiste. Graphiste? Ouais. Il fait des graphes? Non, il fait des graphes sur son ordi, quoi. C'est moins rebelle. Ouais. Mais c'est pas mal. Oui, Nico du bureau. J'ai l'impression qu'elle bosse moins la sélection avant, en fait. Elle devrait plus la bosser avant la sélection parce qu'après, elle est tout le temps déçue. Mais non, mais c'est bosser avant, hein. T'inquiète, il y a une étude de marché. Je l'ai rencontré en soirée le week-end d'avant et toute la semaine, il a insisté pour me voir et finalement, voilà. Pauline, tu fais beaucoup trop de soirées. Oui. Laure et moi, tes parents, on trouve que tu fais énormément de soirées. Ouais, elle me le dit souvent. C'est vrai, oui, Laure. Et on aimerait que tu ranges ta chambre. Ouais, enfin, mon appart, c'est une chambre, en fait. Oui, c'est ça. Ah, ça fait quand même 4 mètres carrés. C'est... Il y a bien vivre. Bah, je peux faire 3-4 pas. Hein. Et ma petite Marine, tu sais qu'aujourd'hui, on va vous offrir des très, très beaux cadeaux. Déjà, il y a le loyer qui arrive à 6h20, vous le savez. C'est chaque jour sur Virgin Radio. N'hésitez pas à vous inscrire loyer au 7, 12, 13. Mais en plus, ce matin, on va vous offrir un séjour à la Guadeloupe. Une valeur de 5000 euros. Ça donne envie de zouker. Et hôtel 4 étoiles, transport, voilà, tout là-bas est pris en compte. Vous avez juste à kiffer à choisir une personne avec laquelle vous allez partir en Guadeloupe. On a sélectionné Aurélien lundi. On a sélectionné Céline mardi. Mercredi, on était avec des enfants. Mais aujourd'hui, deux tirages au sort. Aujourd'hui, en fait, il y a deux personnes qui s'affrontent pour savoir qui va partir en Guadeloupe. C'est la première fois que ça arrive parce que hier, il y a quelqu'un qui a perdu. On lui a juste offert la GoPro. Ouais. Les amis, ce matin, on va vous offrir un séjour en Guadeloupe d'une valeur de 5000 euros. N'hésitez pas à vous inscrire au 3916. On vous envoie aussi pour le Axbot Festival à Nice. C'est du 4 au 6 août avec Breakbot, avec Lilywood and the Prick, avec Feder. Là encore, n'hésitez pas à vous inscrire. C'est un cadeau magnifique qu'on va vous offrir ce matin. Tout ça, ça se passe au 3916. Le loyer, je vous l'ai pas encore dit, mais c'est par SMS, loyer au 7-12-13. N'hésitez surtout pas à vous inscrire. Et puis ce matin, toute l'équipe est très très bien habillée. Ouais. Sauf Ginger, on dirait qu'elle va se battre sur le parking dans Auchan. J'ai mis une belle robe. Mais ce matin, on a tous mis des beaux costumes parce qu'on va vivre un mariage en direct sur Virgin Radio. On a envoyé au concert d'Adèle, Caroline et Thomas. Ouais. Et Caroline nous a dit, si vous m'offrez les places d'Adèle, mon mec Thomas me demandera officiellement mariage, ouais. Et bien ce sera ce matin. Ils vont nous rejoindre et ce sera en direct dans le Virgin Tonic. Oui, Clément. Après, ça se trouve, Thomas s'est dégonflé. Il va arriver en disant on avait gardé les places pour Adèle quand même. Mais non. L'engagement est fort. Les amis, on a mis des vestes. Ouais. On a fait tout un décorum. C'est clair. Il se désistera pas. J'espère. Mariage en direct sur Virgin Radio avant 9h30. Restez avec nous. Je vous souhaite un très très bon réveil. Vous tous qui nous écoutez, vous qui ouvrez les yeux, vous qui avez bossé toute la nuit. Il est 6h08. On déclare officiellement le Virgin Tonic ouvert. Yes. Allez. Alan Walker, Faded. Voilà ce qui arrive tout de suite. Marine, je t'embrasse encore très très fort. Moi aussi, passez une belle journée. Et merci à toi d'avoir démarré cette émission. C'est chaque jour, hein. Vous inscrivez sur Facebook, on vous rappelle au 3916. Bon réveil à tous, vous êtes sur Virgin Radio, on est en direct. On est là depuis 5h, il y a eu un warm-up. Et maintenant, on vous lâche plus, on prend soin de vous tous les matins, du lundi au vendredi. Virgin Tonic. This is Alan Walker. Virgin Tonic. You were the shadow to my light. Did you feel another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see you. Excellent réveil à vous sur Virgin Radio. Soyez les bienvenus. On est là avec vous jusqu'à 9h30. Je vous souhaite un excellent réveil. L'équipe est là, bien sûr. Oui, oui. Courage à vous qui ouvrez les yeux. Je viens de voir une news, tiens. Oui. Sur un site internet, mais qui est très sérieux. Un Belge vient de battre un record du monde. Ouais. Mmh. Allô, pas un record de département, pas un record français, record du monde. Il a couru un marathon par jour. Oh là là. C'est énorme, un marathon tous les jours. Il a fait 365 marathons en un an. 42 c'est kilomètres, t'imagines? C'est un truc de fou. 42 kilomètres. Mais tu finis bien gaulé. Moi, je me suis dit l'autre jour, si je faisais genre, tu sais, je fais du futsal une fois par semaine, si je faisais tous les jours de toute ma vie, je serais gaulé de ouf. Mais je m'en lasserai même pas. C'est un truc que je pourrais le faire tout le temps. Fais-en deux, trois fois quand même. Ouais. C'est quoi le truc que vous pourriez faire toute l'année pendant un an, Laure? Du shopping avec ma fille. Comment ça? Faire du shopping avec ma fille tous les jours de l'année. Tu pourrais faire ça toute l'année? Tous les jours. Ah ouais, sans problème. Et pourquoi avec ta fille? Parce qu'on adore, on se donne des conseils, on s'achète des trucs. Parfois, par exemple, j'achète un truc, en me déculpabilisant, je dis non, mais on pourra le mettre toutes les deux. J'adore. Mais c'est quoi cette logique? Bah quoi? C'est pas bien avec ton mec? Ah non, oh là là. Non, parce que les robes vont moins bien à Juju. Ouais, ouais. Il porte très bien les dos nus. Ouais. Ah, je peux te dire. Tu as déjà vu faire Dalida? Ah non. Oui. Il a un talent énorme. Le truc que tu pourrais faire pendant un an, mon Clem? L'amour, tout le temps. Mais non. Non, mais je pourrais tous les jours être comme ça. Je sais pas, c'est le premier truc que ça me vient. Ça devient comme ça. Ouais, l'amour. Et toi, ma popo? Être dans mon salon avec mes copines à débriefer de celles qui sont pas là. Ouais. Et moi, je suis un peu comme toi. Le truc que je pourrais faire pendant un an, tous les jours, être en jogging. Ah ouais. On a pas comme le dimanche. Ouais. Pourquoi le dimanche, on en a rien à foutre? Ah bah, c'est un jour qui n'existe pas. Mais on oublie tout le dimanche. On n'a plus de respect de notre personne. Vous voyez ce que je veux dire? On est en lâcher prise, quoi. Oui, Laure. Mais nous, c'est jogging interdit, même le dimanche. Hein. Toi, tu te mets pas en jogging? Ah non, pas à la maison, non. Ah, je vais faire venir à la radio ici, en jogging. Exactement. Ah non, mais Juju, il me voit toujours impeccable. Toujours. Même le dimanche, tu te réveilles, tu touches. Mais c'est pour ça que ça dure depuis 5 ans et qu'on est comme au premier jour. Bah oui, secret. Pourquoi tu me regardes? Prends exemple, Popo. Mais je suis jamais en jogging. Arrête. Bah quoi? À la maison, t'es jamais en jogging? Ah non, mais jamais. Ah, mais moi, je suis toujours prête, hein. Mais t'es seule? Mais je suis prête à l'amour. Je suis seule, mais je suis prête à l'amour. On sait jamais, un livreur un peu mignon, ça peut arriver. Oui, Clément. En fait, Juju, il a l'inverse de la Laure qu'on connaît. Ici, elle vole des trucs. Là-bas, elle arrive avec des cadeaux. C'est l'inverse, en fait. C'est clair. Oui, Laure. Pauline, non, parce que je viens de lui refiler tous mes vieux jogging et elle m'a dit, oh là là, c'est exactement ce qu'il me faut. Non. Il faut savoir que Pauline récupère aussi ton ancien canapé. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Mais il est tellement cosy. En fait, tu vis la vie de Laure 5 ans après. Juju a des belles années devant lui, alors c'est cool. Tu vas enlever la Céline de tous les mots bientôt. Fais attention. Reste avec nous sur Virgin Radio. Est-ce qu'on s'écouterait pas Mom? Mais ah si. Ouais. Ah oui, ça fait un petit moment qu'on l'a pas passé dans la matinale. J'adore ce morceau. Voilà ce que je vous ai prévu pour le pop rock électro. Je vous souhaite un excellent réveil. Merci de nous avoir choisis. J'ai un loyer à vous offrir, c'est dans 5 minutes à peine. Loyer au 7 12 13 par SMS. Voilà comment vous inscrire, soyez les bienvenus. Vous êtes ici à la maison, c'est le Virgin Tonic. Choisir l'armée de l'air quand on est jeune, c'est rejoindre les hommes et les femmes qui nous protègent. C'est choisir une voie où les responsabilités n'attendent pas. C'est pouvoir progresser dans son métier. L'armée de l'air recrute 2000 jeunes du niveau brevet à Bac plus 5 dans 50 métiers. Découvrez nos offres sur air-toutunearmée.fr. Armée de l'air, toute une armée croit en vous. Soche présente. Eh, tu sais quoi? Je suis pas chez Soche. Oh mince, je suis pas chez Soche. Ben Polo, qu'est-ce qui t'arrive? T'arrives à le dire d'habitude? Non mais là, c'est l'offre, ils m'ont soufflé. Pour 9,99€ par mois, j'ai 5 gigas d'internet mobile sur Orange. Le réseau mobile numéro 1. Ah super, j'ai passé chez Soche. Oh mince, Jusqu'au 15 juin, le forfait 5 gigas est à 9,99€ par mois pendant un an, puis 19,99€ avec le code Soche promo. Rapport Arcep 2015, promotion valable en métropole jusqu'au 15 juin 2016 pour toute nouvelle souscription à un forfait mobile 19,99€ par mois sur réseau et mobile compatible. Détails sur Soche.fr. Ce vendredi 10 juin, Leader Price tape très fort sur les prix. La tomate ronde grappe catégorie 1 origine France est au prix imbattable de 79 centimes le kilo. C'est chez Leader Price et uniquement aujourd'hui. À ce prix-là, qui peut résister? Alors, dégustez une tomate ronde grappe belle, rouge et tellement savoureuse. Liste des magasins participants sur www.leaderprice.fr. Leader Price, le choix malin pour vivre bien. Mais t'étais en train de regarder la télé? Hein? Non, pas du tout, je... Tu regardais la télé? Non, enfin oui, mais je regardais un film sur RTL 9, tu sais. Du cinéma? Mais oui, enfin, tu sais bien, RTL 9, c'est plus de 100 films par mois. Bon, alors ça va. Quand ailleurs c'est de la télé, sur RTL 9, c'est du ciné. RTL 9 est disponible sur CanalSat, Orange, Bizz Télévision, Free, Bouygues Télécom, SFR et Numéricable. Ce temps chez Renault. Vous en connaissez beaucoup des endroits branchés avec 5 portes? Voici Twingo, branché et même connecté avec mon smartphone et l'application Rengo. Renault Twingo est à partir de 129€ par mois, sans apport, sans condition de reprise, 4 ans d'entretien et de garantie inclus. Portes ouvertes ce week-end. Offre pour Twingo Life SE 70 LLD 49 mois 40 000 km maximum sous réserve d'acceptation par Diakessa. Restitution du véhicule au terme chez votre concessionnaire. Réservé aux particuliers jusqu'au 30 juin dans le réseau participant. Voir Renault.fr. Sans moins de 2 minutes, Camille Combal paye votre loyer sur Virgin Radio. La météo Virgin Radio. Et une France partagée en deux pour aujourd'hui. Toujours beaucoup de soleil sur la moitié est, y compris la région parisienne, mais le retour des averses et des orages au fil de la journée sur toutes les régions de l'ouest. 15 degrés cet après-midi à Cherbourg, 17 à Brest, 19 à Nantes et à Bordeaux. Vous aurez 20 à Rennes et à Limoges, 21 à Lille, 22 à Chantilly, 23 degrés à Paris, Tours, Colmar, Chambéry, Valence et Nice, 24 à Strasbourg, Marseille, Perpignan et Ajaccio, 26 à Lyon, la maximale 28 degrés cet après-midi pour Nîmes et pour Montpellier. Très bon réveil. Virgin Radio. Virgin Radio. Virgin Radio. Chattez par SMS avec des milliers de connectés. Envoyez libre suivi du numéro de votre département au 62333. Message fiche 35 centimes par SMS à coût d'envoi, service modéré et animé. Bientôt dans votre playlist, déjà sur Virgin Radio. Kissy Long Beast. Jesslyn. Hyphen. Virgin Radio. Pop, rock, électro. Au 88-484, Justin Bieber nous offre encore un de ses nombreux hits. Envoyez Bieber, B-I-E, B-E-R au 88-484, accédez au catalogue et téléchargez Love Yourself, le nouvel hymne de Justin Bieber en sonnerie. Bieber au 88-484. Abonnement 3 euros par semaine, DGP. La Summer Boat Party by Crédit Mutuel avec Virgin Radio, c'est le 9 juillet à Disneyland Paris. Profitez des attractions du parc Walt Disney Studio privatisé pour vous. Et dansez toute la nuit avec Offenbach et Hugel. Jusqu'au 26 juin, tentez de gagner vos invitations pour 4 personnes. Jouez et consultez le règlement du jeu sur la page Facebook RIFFX. La soirée Summer Break Party by Crédit Mutuel, le 9 juillet. Un événement avec Virgin Radio. Tous les matins à 6h20, Camille Combal paye votre loyer dans Virgin Tonic. Soyez les bienvenus sur Virgin, vous êtes ici chez vous, bien sûr, 6h-9h30, le Virgin Tonic à vos côtés. On est 1 800 000 Français à se réveiller ensemble chaque jour avec Laure, bonjour, avec Clément, bonjour, avec Pauline. Coucou. Et avec le loyer qu'on vous offre toutes les heures. Il suffit de vous inscrire par SMS, loyer au 7 12 13. N'hésitez pas, en plus à 6h20, c'est le premier tirage, il y a un peu moins de monde. Ce sont des chances supplémentaires pour être tiré au sort. Je sais que vous êtes extrêmement nombreux à vous inscrire, extrêmement nombreux à attendre ce tirage chaque matin. 6h20, 7h20, 8h20 et 9h20. Un SMS suffit, c'est le premier tirage de la matinée. Je le sens, ce matin, il va y avoir 4 gagnants. Ah ouais, dis pas ça. Je le sens. On appelle une fille. J'ai le prénom, je vous le donne pas. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, qui est là? C'est Marie-Florence. Marie-Flou? Florence. Oh, d'accord. Ok, bonne ambiance. Marie-Florence, comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Tu m'as envoyé un SMS, tu te réveilles très très tôt, j'ai une question pour toi. Quelle est la seule radio qui paye ton loyer? Non, c'est pas vrai. Eh oui. C'est Virgin Radio? Eh oui, oui, eh oui. Marie-Flo, c'est gagné pour toi. Tu as répondu Virgin Radio, tu m'as envoyé un texto et donc je vais te payer un mois de loyer. Il est de combien ton loyer? 550 euros. Eh bien c'est fait, t'es la première gagnante de ce vendredi 10 juin. Tu fais quoi dans la vie? Je travaille avec des enfants dans un hôpital de jour. Ah d'accord, très bien. En plus c'est un beau métier ma chérie, on est ravis de te filer un coup de main. Et donc 560 euros c'est ça? 550. 550 euros. Très bien, et bon, on va te faire le chèque. T'habites où? J'habite à Dunes. Dans le Nord? C'est dans le 62, oui. Très bien, et bon, on est ravis de te faire ce chèque. C'est l'or sur ses deniers personnels. Franchement, là, ça fait plaisir, là. Ça m'arrange pas. Eh bien, je suis ravi. T'as pas commencé le travail encore? Non, non, je vais bientôt partir. Eh ben très bien, et ça nous permet, on le fait presque tous les matins, mais d'embrasser les infirmières, les infirmiers qui nous écoutent chaque matin. Oui, Pauline du Standard. Moi, j'aurais rêvé d'avoir un prénom composé, comme ça je peux choisir ou Marie ou Florence par exemple. Ah ouais. C'est génial. Marie-Flo, c'est cool. Ouais, Marie. Merci. Oui, Laure. Bah, le principe d'un prénom composé, c'est que tu choisis pas. C'est les deux, en fait. Oui, en fait, c'est vrai. En fait. Et en général, avec tes potes, tu choisis. Moi, j'ai un pote qui s'appelle Marc-Olivier. Et des fois, il y a des gens qui l'appellent Olivier, d'autres Marc, d'autres Marco. Moi, j'aurais aimé m'appeler Jean Dragon. Parfois Jean, et puis quand il y a de la castagne, ouais, je m'appellerai Dragon. Oui, Clément. C'est vrai qu'il y a des prénoms qui vont pas ensemble, genre Kevin Lilian. T'imagines, tu t'appelles Kevin Lilian? C'est pas possible. Salut, Kevin Lilian, je viens pour le poste de PDG. Non, ça marche pas. Oui, non. Laure. Moi, un de mes premiers amoureux s'appelait Charles-Henri. Charles-Henri? Ouais. Bah, mais c'était en 1612. Ah, bah oui. Ah, bah, forcément. Bah, on était sous le règne de Louis XIV à l'époque, bien sûr. Merci, Laure, de partager ton enfance avec nous. Avec plaisir. Charles-Henri. Oui, Nico du bureau. Ouais, non, mais toi, je t'appellerais JD en fait. Jean Dragon, c'est JD. Jed. Jed. Oh, Jed, c'est chic. Salut, c'est JD. Bienvenue à vous. J'adorerais, oui, Clément. Alors que Kevin Lilian, ça fait quoi? KL? Cle? Cle? Ouais, hein, ça marche pas. Avec Cle? Kevin. Ça marche pas. Et Marie-Florence, t'aimes pas qu'on t'appelle Marie-Flo? Bah, moi, on m'appelle Marie ou Florence. Ah, tu vois? Donc, il y a le choix entre les deux prénoms. Oui, oui, il y a le choix. Mais c'est un prénom composé, mais je laisse les gens m'appeler comme ils ont envie, quoi. Et ton deuxième prénom, c'est quoi? Bah, c'est Florence. Le troisième, alors. Mais non, mais sur ta carte d'identité, on a trois prénoms. Ah non, non, moi, c'est Marie-Florence, tout court. Ton deuxième prénom, Laure? Ça veut dire que je m'appellerai Laure Suzy. Ouais. Ah, l'angoisse. Ah, ouais. Suzy, c'est dur. Ah, le troisième, c'est encore pire, mais. C'est quoi le troisième? Non. Ah, moi, je sais. En général, c'est une grand-mère à qui on a voulu faire plaisir, on lui donne le troisième prénom. Ça commence par Chaud. Ça finit par Anna. Bah, Chona? Shoshana. Shoshana. Ouais. Et en plus, ils l'ont mal écrit sur la carte d'identité. Oh, ils ont fait une orthographe pas possible. Mais c'est une galère. Clément, c'est quoi ton deuxième et ton troisième prénom? Moi, ça va. Clément, Antoine, Baptiste. Ouais, c'est les mêmes époques, ça va. Ça va. Ouais. Ginger. Bah, moi, c'est Ginger tout court. J'ai pas de deuxième. J'ai pas de. En vrai, promis. T'as qu'un seul prénom? Ouais. Ah, pas fait chier des parents. Bah, non, mais ils ont dit c'est parce que t'es unique. Alors voilà. Oh, ils c'est sont mignon. Forts, voilà. Ils avaient pas envie de se prendre la tête. Pauline. Pauline Constance. Constance. Ouais, et donc, Karl, ça va? Ouais, on en tu pas. Sais ça? Bah, je sais beaucoup de choses, tu sais. Bah, on sait tout. Hein. Mais j'aurais aimé m'appeler Karl, je trouve que ça m'irait bien. Ouais. Ah ouais, okay, bah, on va t'appeler Karl. Appelez-moi Karl. Ok. Jusqu'à la fin de l'émission, ce sera le Virgin Tonic de Karl Combal. Je vous le dis. Marie-Flo, je t'embrasse très très fort. Je suis ravi de t'offrir ce loyer. T'es la première gagnante de la matinée. Je t'embrasse, ma chérie. En tout cas, merci beaucoup. Je vous écoute tous les matins quand je vais au boulot. C'est franchement, ça fait chaud au cœur. Bah, t'es un amour. Voilà. T'es encore au lit? Non, je suis réveillée. Ben, on est ravis en tout cas. Et merci de nous écouter chaque matin, ma belle. 6h26, on écoute Mom, Aloha. Voilà ce qui arrive tout de suite sur Virgin Radio. Je vous souhaite un excellent réveil. Merci de nous avoir choisis. On est en direct avec vous jusqu'à 9h30. What is it you want to love? What is it you want? something more. Et à vous tous, bienvenue sur Virgin Radio, vendredi 10 juin. Je sais que c'est pas facile le vendredi, c'est toujours un peu plus difficile, mais on est là avec vous pour vous donner du courage entre 6h et 9h30 chaque matin. L'équipe est là, bien sûr. Oui, Laure, le Clément, oui, la popo du standard, oui, coucou, le 3916 pour nous joindre. Oui, oui, Karl, c'est mon deuxième prénom et je pense que ça va me suivre toute l'émission à peu près. J'ai une info pour vous. Vas-y. Ouais. Mm-hmm. Vous qui nous écoutez, les amis, et merci hein, vraiment de vous réveiller avec nous chaque matin. C'est une news que j'ai trouvée sur le site de Combini. Eh bien, sachez que c'est une étude américaine qui vient tout juste de sortir. Mais apparemment, les pays qui mangent le plus de chocolat en auraient plus que les autres. Parmi tous les pays dans le monde, le pays le plus gros consommateur de chocolat en aurait obtenu le plus dans le monde. D'après vous, quoi, Pauline? De libido? Non. Ah, parce que mais c'est... il paraît que c'est vrai. Okay. Le chocolat donne de la libido. Alors, c'est le chocolat qui donne un effet, c'est ça? Oui. De l'intelligence. Eh ben c'est pas loin. Alors je vais t'accorder le point qui ne te fait rien gagner. Puisque sachez que c'est des prix Nobel. Selon les chercheurs, il y aurait un lien entre les pays qui consomment le plus de chocolat et les lauréats de prix Nobel. Alors on est à J-5 du bac 2. Alors je sais qu'il y a plein de gens qui ont déjà démarré des épreuves et voilà, qui sont en plein examen, mais on est à J-5 du bac. Vous êtes peut-être parents, peut-être élèves en train de nous écouter. Manger du chocolat, ça vous donne des prix Nobel. Et c'est la bon Suisse... pour la mémoire. Exactement. Ouais, la Suisse, par exemple, qui est un énorme consommateur de chocolat, et ben c'est un pays qui a énormément de prix Nobel. Oui, Pauline. Oui, mais pas du Galak, par exemple. Il faut du, je pense, qu'il faut du chocolat noir à 90, quoi, 85. Centimes. On ne sait pas. Centimes. Alors, avec tout ce que j'ai mangé comme chocolat dans ma vie, vous voulez pas me le donner le prix Nobel? Mais tu auras le prix Nobel de la gentillesse. Eh ben ça me va. Et voilà. Et il faudrait le mettre tous les ans. Clément, tu auras le prix Nobel de l'humour. Merci, en mangeant des frites. Bah, exactement. Ginger, tu auras le prix Nobel du contrôle à sucre. Ouais. Ah, je prends. Pour redémarrer l'ordi. Et Pauline, on est content que tu sois là tous les matins. Vraiment, ça nous fait très plaisir. Tu décroches ton téléphone au 3916. 6h30, les amis. On est en direct avec vous. Est-ce qu'on s'écouterait pas Zara Larsson? Ah, allez, vous savez qu'on fait un point sur l'actu. Nous, on a prévu ça. Mais si vous avez envie d'entendre autre chose, dites-le-nous sur les réseaux sociaux. Ça nous fera très plaisir de mettre la musique que vous avez envie d'entendre. Sinon, ce sera Zara Larsson. Vous êtes ici à la maison, à domicile. 6h, 9h30. Le Virgin Tonic à vos côtés. Excellent réveil à vous. Les infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, le retour de la pluie et des orages aujourd'hui sur toute la moitié ouest du pays. Le mauvais temps revient par l'Atlantique. À l'avant, ce sera encore bien ensoleillé toute la journée avant les averses du week-end. 23 degrés cet après-midi à Paris, 24 à Marseille. Le rideau se lève enfin sur l'Euro de football. Fin du compte à rebours pour tous les fans du ballon rond. La compète démarre ce soir avec France-Roumanie à 21h au Stade de France. 24 équipes en lice. Les Bleus qui jouent à la maison espèrent décrocher un nouveau titre européen le 10 juillet après leur victoire en 84 et 2000. Côté sécurité, gros dispositif avec 90 000 policiers, gendarmes, pompiers, militaires et secouristes mobilisés dans les 10 villes qui accueilleront des matchs. Le DJ David Guetta a donné hier soir le coup d'envoi des festivités avec un grand concert au pied de la Tour Eiffel. Et pendant l'Euro, les grèves continuent, les poubelles s'entassent sur les trottoirs parisiens et le site de traitement des déchets est aussi bloqué à Fos-sur-Mer près de Marseille ainsi que dans le sud-ouest. La grève se poursuit aussi à la SNCF avec un trafic ce vendredi de 4 TGV sur 5 et 7 TER sur 10 et puis de 20 à 30% de vols annulés demain pour faire face à la grève des pilotes Air France. Le Truvada va pouvoir être prescrit dans les centres gratuits de dépistage du sida. Le décret doit paraître ce matin au journal officiel. Marisol Touraine rappelle cependant que le préservatif reste le moyen de prévention prioritaire contre le virus, efficace dans 99% des cas. À l'étranger, les obsèques de Mohamed Ali à Louisville aux États-Unis, second jour de funérailles aujourd'hui avec une longue procession du cercueil en corbillard, un trajet de 30 km devant les sites emblématiques de Cassius Clay. L'ex-président Bill Clinton et le comédien Billy Crystal prononceront entendront une partie de l'éloge funèbre. L'inhumation se fera ensuite dans l'intimité. Le cercueil sera porté par 8 personnes, dont Will Smith. Dans l'actu musique, la sortie aujourd'hui de la compile qui va vous accompagner pendant tout l'été, Virgin Radio Summer Pop 2016. Un CD et ou en téléchargement, 57 titres. Sia, Flume, Coldplay, Luan, Justin Bieber, The Avenger, Synapson, encore David Guetta, l'ambassadeur musical de cet Euro 2016. Virgin Radio Summer Pop 2016, une compile dispo donc dès aujourd'hui et aussi à gagner toutes les 10 minutes en nous écoutant ce week-end. Retour au sport avec en tennis, Rafael Nadal contraint de zapper Wimbledon. L'Espagnol souffre toujours d'une inflammation du poignet gauche et qu'il avait déjà forcé à abandonner Roland-Garros. Wimbledon, ça débute le 27 juin. Voilà pour l'actu, tout de suite c'est Virgin Panic avec Camille Combal. Bon réveil. Soyez les bienvenus sur Virgin Radio, 6h34, on est en direct avec vous comme tous les matins et du lundi au vendredi, vraiment on est très heureux de vous retrouver chaque jour. Le vendredi, je sais que c'est un peu plus difficile pour tout le monde d'ouvrir les yeux, de terminer cette semaine, mais on va être là pour vous donner beaucoup de courage avec Laure, salut, avec Clément, bonjour, avec la Pauline. Coucou. Du Standard, beaucoup de gens en train de prendre leur douche, en train d'ouvrir les yeux, mais aussi beaucoup de gens qui ont bossé toute la nuit, on pense très très fort à vous. Sachez que 2016 c'est l'année du 39-16. N'hésitez pas à nous appeler, c'est le seul numéro qui existe pour joindre le Virgin Tony. Vous avez envie de parler avec nous, de nous raconter votre vie, ça nous fait toujours très plaisir. Et puis vous inscrire pour les jeux aussi, puisque dans un instant, on vous offre un séjour pour 4 personnes, tout frais payé, au parc Astérix. Oh, trop bien. Ah, vous partez avec votre petite famille, avec tous vos potes. On va en parler dans un instant. Ce sera évidemment le lancement de l'Euro ce soir. Donc on parlera un peu de foot. Après, je vous rassure, hein, toutes les filles qui nous écoutent chaque matin, on ne sera pas la radio officielle de l'Euro. Hein. Ah, bah, on ne sera pas. Ah, ben ah, non. Chez nous, vous le savez, c'est Laure et Pauline qu'on trouve. Clément et moi, comment vous dire, on est des victimes. On s'incline. Et donc vraiment, on parlera très peu de foot ici. Là, c'est juste un petit jeu dans un instant. Les filles peuvent s'inscrire aussi, ça n'a rien à voir avec le foot. 39-16, le pop rock électro de Zara Larsson qui arrive dans deux secondes. Lush Life. Mais pour le moment, 6h35, comme tous les matins, c'est le réponse à tout de Clément l'incruste. Tonique. Réponse à tout. Et oui, Clément descend chaque jour dans la rue poser des questions uniquement aux enfants parce qu'ils ont énormément de réparties et ils nous font rire chaque matin. Exactement, et selon un sondage Malabar que je viens d'inventer, 73,8% des Français et des enfants aimeraient se faire tatouer. Et du coup, j'aurais demandé... C'est très précis pour un sondage inventé, si je peux me permettre. Ah ouais, bah, on aime la précision quand même, même dans l'imaginaire, s'il vous plaît. Et du coup, j'aurais demandé qu'est-ce qu'ils aimeraient bien se faire tatouer. J'aimerais jamais me faire de tatouage, je ferais juste une toute petite étoile sur l'épaule, pas plus. Sincèrement, j'aurais pas de tatouage. Non, c'est pas ça, mais c'est que c'est pas beau. C'est un point méga giga hyper méga ultra, ultra microscopique. T'aimes pas les tatouages, toi? Voilà. Moi, je ferais un cœur avec le nom de mes enfants et un bracelet fin sur la cheville. T'as des enfants? Non, mais quand je serai plus grande. Moi, ce serait un grand dragon bleu dans le dos, parce que j'aime bien le bleu. Moi, j'aimerais avoir un tatouage aussi avec un arc-en-ciel. Moi, ce serait comme le vaisseau dans Star Wars. J'aimerais avoir deux tatouages. Un tatouage avec un petit chaton et un tatouage qui me donnerait des super méga pouvoirs magiques. Bon, bah moi, ce serait des militaires, des trucs, le sang, voilà, le truc... Je réponds, mon cher copain, je trouve que des militaires, c'est pas vraiment une bonne idée. Le réponse à tout. Passons la réponse à tout. Merci aux enfants qui jouent le jeu chaque matin, 6h36. C'est le Virgin Tonic avec vous. Je vous souhaite beaucoup de courage. Nous, en tout cas, on est là avec toute l'équipe. Oui. Et on écoute Zara Larsson tout de suite, Lush Life. Bon réveil à tous. Hi, it's Zara Larsson on Virgin Tonic. No past, doing it all night, all summer, doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn, but I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer, gonna spend it like no other. It was a crush, but I couldn't get enough. It was a rush, but I gave it up. It was a crush. Now I might have wanna said too much, but that's all it was, so I gave it up. I live my day as if it was the last, live my day as if it was no past, doing it all night, all summer, kept saying I'ma stay in touch. But that thing went bust, so I gave it up. Ooh, no tricks, no bluff. I'm just better off without them cuffs. Yeah, the sun won't set on us. Ooh, ooh, ooh, yeah. Vous tous les amis, restez avec nous sur Virgin Radio. Dans un instant, le pop rock électro que vous aimez à l'ancienne, mais j'avais vraiment envie de le passer ce matin. Demon, You Are My Eye, voilà ce qui arrive dans un instant. Willor, quand Julien écoute cette chanson, il pense à moi, donc je suis trop contente. Et bien il va penser à toi et vous tous. Dans un instant, on va l'entendre sur Virgin Radio. 6h39, bon réveil Virgin Tony. Et oui, vous êtes là avec nous en direct, bien sûr, 6h, 9h30, l'équipe est là. Oui, oui, oui. Vous avez entendu Laure qui ne parle que de son chéri ce matin. Ouais. Il y en a que pour lui, on n'existe pas. Clément parle moins de sa chérie, rapport au fait qu'il n'y en a pas. Bah, j'ai une relation à distance depuis un moment, avec mon ventre, elle est loin, tu sais, mais ça fait quelques années qu'on ne s'est pas vu. Et il y a ma popo du standard qui est là aussi, et puis surtout Valérie qui vient d'être tirée au sort au 39-16. Bonjour Valérie. Bonjour l'équipe. Bonjour. Salut. D'où tu es, ma Valoche? Moi je suis Quimper. Quimper, très bien. Et tu fais quoi dans la vie? Moi je suis vendeuse dans un magasin de fringues. Tu veux faire de la pub ou pas du tout? Non, pas du tout. Ok, très bien. Ça a l'air de bien se passer avec le patron. Très bien. T'es là avec nous pour repartir peut-être avec ton séjour tout frais payé au parc Astérix. Ouais, c'est quand même pour 4 personnes. T'es maman ou pas, Valérie? Oui, j'ai 2 petites filles, Maëline et Elsa. Donc voilà, je croise des doigts. Et bien avec ton petit chéri, tes 2 filles, tu pourras partir au parc Astérix si tu gagnes. Un jeu très simple, c'est le Virgin Football Club. Oui, Clément. Justement, tu veux peut-être faire de la pub pour la boutique d'en face. Je préférerais même, ouais. Rassurez-vous, les filles qui nous écoutez, ici, on sera pas la radio officielle de l'Euro, je le répète. Mais c'est important parce que c'est Laure et Pauline qui ont le pouvoir ici. Bien, ouais. Mais de temps en temps, enfin, un jeu qu'on fait depuis voilà, un petit moment et que vous aimez beaucoup, c'est le Virgin Football Game. Virgin Football Game. Le principe est très simple, on a un commentateur en direct de tous les stades qui vont accueillir l'Euro 2016 et pendant qu'il commente les matchs, en fait, il place des paroles de chansons et il faut que tu reconnaisses l'artiste original. Ok, ça marche. D'accord, ma Valoche ? Oui, c'est bon. Alors, qu'on soit clair, il y a des morceaux que tu as entendus sur Virgin Radio et il y a des morceaux pas du tout. D'accord. Donc ne reste pas bloqué Virgin Radio, ça peut être des trucs voilà qu'on n'a pas passé, mais en tout cas des tubes, des choses très connues. Valérie, d'accord, c'est parti, on y va. Et premier extrait, on passe au Stade de France pour ce premier match de l'Euro avec un joueur qui a déjà fait parler de lui. Il a mal parlé à l'arbitre, c'est bien ça hein Grégoire? Ah ouais, ouais, j'aurais pas aimé être à la place de monsieur Jeffredo. Écoutez bien ce qu'il a dit à l'arbitre. Quitte à tout prendre, prenez mes gosses et la télé, ma brosse à dents, mon maillot, la voiture, ça c'est déjà fait. Avec les interdits bancaires, prenez ma femme, le canapé, le micro, le frigidaire. Et il en a rajouté, je pense qu'il va du coup passer en commission de discipline. En même temps dans le foot, tout est négociable, mais vous n'aurez pas sa liberté de penser, ça c'est sûr. J'adore. C'est assez facile. Ah ouais. Ah ouais. C'est Florent Pagny en plus, il est passé hier soir. Mais bien sûr, mais Florent Pagny. Très très bonne réponse. Elle est passée hier soir à la maison, elle n'a pas terminé sa phrase. Ah non, mais non, pour l'ouverture de l'Euro, je Ah oui. Eh oui, il était sur scène sur TF1 pour l'ouverture de l'Euro. Très bonne réponse. Ma Valoche, on y va. Deuxième extrait. C'est le Virgin Football Club, un commentateur place des paroles de chansons pendant ses commentaires. Et on part maintenant au stade Marcel Picot de Nancy pour cet autre match de l'Euro. Et ça s'agite en deuxième mi-temps, Grégoire. Oui, un joueur qui perfore littéralement la défense adverse comme si de rien n'était. Ce petit joueur semble inarrêtable sur sa route. Oui, il y a eu du move. Oui, de l'aventure dans le move. Oui, une vie de route sur sa route. Oui, il ne compte plus les dribbles. De quoi devenir complètement fou. Heureusement qu'il est là pour mettre le feu sur le terrain. Je l'aurais pas eu. C'est dur, hein. Il est magnifique, ce commentateur. Non, moi, j'adore la gueule. Honnêtement, il a une voix qui ressemble étrangement à Nico Dubureau. Ah, c'est bien. Ah, mais il passerait super bien à la télé, hein. Mais franchement, je trouve aussi, il pourrait commenter les matchs sur TF1 ou M6. Ma Valoche, est-ce que t'as trouvé? Oui, Black M. Oh là, elle est forte. Sur ma route. Sur ma route. J'ai ma grande qui est fan, donc voilà. Ouais. Eh ben écoute, très très bien, ça fait deux bonnes réponses. On va quand même se faire le dernier pour le plaisir. On part direction l'Alliance Riviera de Nice. Et coup de focus sur le milieu de terrain, la Seine, qui fait son premier numéro depuis 10 minutes sur le terrain, hein, Grégoire. Ah, il sort de son lit, tellement sûr de lui. La Seine, tellement joli, désolé de vous dire ça, mais il m'en sorcelle. La Seine, extra lucide, la lune, le défenseur est sur lui. La Seine, tu n'es pas tout saoul. Paris sous lui, la Seine, but de la Seine. T'es pas trop embêté sur celui-là, Nico. Ouais, la Seine, quoi. Ouais. Ouais, la Seine à Diarra, il s'appelle exactement de son vrai nom. Et il était 18h, non? Ouais. Sur le dernier. J'ai bien compris. Valérie, ma chérie, est-ce que t'as trouvé le dernier? Oui, c'est Vanessa Paradis. Tu t'en sors pour trois bonnes réponses. Génial. Il t'en fallait deux. Alors, on va te faire un double cadeau. Alors, déjà, deux bonnes réponses, ça t'offre le séjour pour 4 personnes au parc Astérix pour découvrir la nouvelle attraction, le Clément l'Incrustix. Ouais. C'est magnifique, tu remontes sur moi. C'est le Disco Bélix, restauration et hébergement compris. On va prendre très très soin de toi. Tu pourras partir avec tes deux petites filles et ton chéri. Et comme t'as fait trois bonnes réponses, un sans faute, eh bien, tu sais quoi? On te rajoute un téléphone. Et ça me fait rire parce que ça met en galère Nico du bureau qui gère les cadeaux. C'est et je sais pas où il va le trouver, mais on t'offre un téléphone en plus. Oh super, merci l'équipe, merci Camille, je t'aime. Et ben, ça merci me fait très plaisir. Et j'ai hâte que mes filles se réveillent pour leur dire que voilà, on va pouvoir aller au parc Astérix cet été. C'est grâce à vous, c'est grâce à l'équipe. Merci. Merci ma chérie. Et tu sais quoi, dès que tu montes, parce que c'est du côté de Paris évidemment, dès que tu montes du côté de Paris pour le parc Astérix, venez tous nous voir en studio. Ah ben, je veux bien, oui. D'accord, comme ça on vous offrira un téléphone aux 4. Je suis très chaud, il va y avoir des beaux cadeaux ce matin, je vous le dis. Oui, Nico du bureau. Il y a toujours des bonnes raisons, t'es quelqu'un de bien, donc il y a toujours des bonnes raisons. Pourquoi un téléphone là en fait? Mais parce que ça me fait plaisir. Valérie, je la sens là, un peu en galère de téléphone, on va lui faire plaisir. Ouais, c'est ça, mais oui, j'ai un vieux téléphone pourri, j'ai un Nokia 3310, donc si vous pouviez faire quelque chose. Ben, ça nous fait plaisir. Et tu sais quoi, Valérie, il a quel âge ton mec? Mon mec, il a 33. Eh ben, on lui rajoute une PS4. Oh non, c'est horrible. Ça le visage de Nico du bureau, il vaut 1 milliard de roubles. Je t'embrasse très fort, ma chérie. Mais je suis sérieux, on t'offre tous ces cadeaux, ma belle. Dimon, you are my eye. Voilà ce qu'on écoute tout de suite. Excellent réveil à vous tous, sauf pour Nico du bureau. Merci d'être là. We'll be right back.

Marcher sur un rocher, se laisser aller à pas de géant, le cœur éléphant. On prendra notre temps pour découvrir la vie, aimer les gens énormément. Sur les épaules des géants, le cœur éléphant. Des orages, je pars en voyage, mon âme au vent, le cœur éléphant. Je suis parti d'ici pour rencontrer la vie, être vivant. 6h-9h30, bienvenue à tous sur Virgin Radio, bientôt 7h, l'équipe est là bien sûr. Oui, le Virgin Tonic à vos côtés, 6h-9h30, merci de nous avoir rejoints depuis un an et demi qu'on est là. Vous êtes plus d'1 800 000 Français à se réveiller avec nous, c'est complètement dingue. Et c'est un kiff énorme de se réveiller dès 5h du matin pour être à vos côtés. Je vous promets que c'est dingue, si on m'avait dit que je serais content de me réveiller à 5h un jour. Et je vous jure, c'est un bonheur absolu. Dans un instant, l'actu à 7h bien sûr. Et puis à 7h05, la première question de ouf. Quand vous laissez tous vos messages sur notre répondeur 01 84 07 08 09, quelle est la question Clément? Ce matin on vous a demandé de chanter Jennifer au soleil. Génial, et on met toutes vos voix d'affilée et ça donne un morceau chanté, un tube chanté uniquement par vous. Je vous rappelle que je vous offre un iPhone si vous vous appelez Jeanne et que vous êtes marié à quelqu'un qui s'appelle Serge. Pour faire Jeanne et Serge, et je rajoute et c'est la première personne qui s'inscrit sur Facebook, la première personne qui correspond à tout ça, qui aura le cadeau l'iPhone. Vous vous appelez Arthur Martin et vous êtes plombier. Je vous offre aussi un iPhone. Et vous vous appelez Bob et vous vendez des éponges. Je vous offre un iPhone aussi. Restez avec nous sur Virgin Radio. Oui, Laure. Bob, donc Robert, ça marche. Si vous êtes Robert. Robert, c'est Bob le surnom. Non, c'est Bob. Bob, ok. Robert ne fonctionne pas. Ça va être compliqué. Je suis désolé pour tous les Robert qui nous écoutent. Si vous vendez des éponges, ça ne fonctionne pas, Clément. Mais il y a vraiment en France des mecs qui s'appellent Bob sur leur carte d'identité, tu crois? Bah non. Peut-être. J'en suis sûr. Bah non, Bob, c'est Robert. Bob qui vend des éponges. Ok. Bob qui vend des éponges. Arthur Martin, vous êtes plombier. Je vous offre un iPhone. Oui, Nico du bureau. Et si vous vendez des éponges et que vous portez un Bob, ça marche ou pas? Non. Ça marche plus. Vous vous appelez Nicolas et votre nom de famille c'est Dubureau. Nico Dubureau, je vous offre un iPhone ce matin. Oui, Pauline. Mais tout ça avec des preuves. Donc par exemple, Jeanne et Serge, on veut l'acte de mariage et tout, hein. Pas l'acte de mariage, mais en tout cas, on veut être sûr que vous soyez bien mariés avec un Serge. Okay. C'est génial. C'est important. Et vous aurez tous un iPhone. Oui, Laure. Mais ça marche si vous appelez Serge et que vous êtes marié avec une Jeanne. Ça marche aussi. Oui, ok. Ah. Oui, oui. Vous vous appelez Bernard, vous êtes marié avec une Bianca. Bernard et Bianca, je vous offre un iPhone ce matin. On va offrir beaucoup d'iPhone qu'on n'a pas. Mais je vous jure qu'on vous les offrira. Oui, Clément. Et si on s'appelle Tic? Et comment tu te maries à une tac? Je sais pas, est-ce que ça marche ou pas? On en veut combien? Vous vous appelez Tic. Vous êtes marié à une tac. Votre nom de famille, c'est les Rangers du risque. Je vous offre un iPhone. Oui, Laure. Robin Tic? Il est peut-être marié avec... Robin Tic, tu es marié à Laura Tac. C'est gagné pour toi. T'as un iPhone. Si Robin Tic nous appelle, il gagne un iPhone. Oui, Pauline. Ou alors tu t'appelles Guillaume Tac, par exemple, et t'as des tics. Non. Vous avez des tics, je vous offre un iPhone. Oui, Nico du bureau. En fait, je flippais de filer beaucoup d'iPhone, mais là, je suis tranquille. Je pense que votre jeu, il va pas marcher du tout. Mais vous vous appelez Pierre. Et chez vous, vous prenez en photo là maintenant, avant 7h, avec un martinet. Ça fait Pierre Martinet, le traiteur intraitable. Je vous offre un iPhone. Non, non, non. Je prends des engagements devant les Français. Je vous dis, l'iPhone sera gagné. Ok. Ok. Ok. Clément. Ministre des Finances, bonjour. On a combien d'iPhone? Je prends les... Tout ce que je vous dis est vrai, hein. C'est pas une blague. Tout ce que je vous ai dit là, tout... tous les trucs. On met sur le Facebook, ouais. Hein, Ginger qui s'occupe des réseaux sociaux. Et vous gagnerez tous un iPhone. C'est important. Ouais. Ben, je vous le dis, ça c'est fait. Hein. Vous vous appelez, qu'est-ce qu'il y a? Bon, il y en a plein. Marc. Marc et Sophie, mais c'est vieux. Non, c'est trop vieux. Ok. Vous vous appelez Black. Ouais. Comme Allo et Black. Et vous sortez Decker. Avec quelqu'un qui s'appelle Decker. Vous êtes Red, Decker. Vous êtes Decker bizarre, à l'heure qu'il est. Black et Decker. Vous gagnez un iPhone. On offrira un iPhone à plein de monde ce matin. Oui, Nico du Bureau. Je sais pas si vous appelez Michon et que vous avez une robe fleurie, par exemple. Fleurie Michon. Vous êtes Madame Michon. Vous vous prenez en photo maintenant avec une robe fleurie. Ça fait Fleurie Michon. Vous gagnez un iPhone. Et du jambon. Je vous le dis. Je vous le dis. Vraiment. Vous vous appelez iPhone, vous partez avec un iPhone. Ce matin sur Virgin Radio, on va vous faire des beaux cadeaux, je vous le dis. Qu'est-ce qu'il y a alors? Non, je voulais savoir si tu voulais qu'on récapitule. Oui, ah, vas-y. Oui, alors donc Jeanne et Serge, Bob l'éponge, Pierre Martinet, Bernard et Bianca, Tic et Toc, Black et Decker, Fleury Michon. Arthur Martin. Et Arthur Martin. Attention, si vous êtes plombier, restez avec nous sur Virgin Radio 7h01. On fait un point sur l'actu, on revient dans un instant. Beaucoup d'iPhone à gagner ce matin. Nico Dumuro, il est pas bien du tout à l'heure actuelle, je vous le dis. Excellent réveil, merci d'être avec nous. Les infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, il va faire beau aujourd'hui sur la région parisienne, le nord-est et la vallée du Rhône. En revanche, la pluie et les orages seront de retour dès ce matin par la façade atlantique. Ce sera très humide ce week-end et les trois départements de la pointe bretonne sont d'ailleurs en alerte orange aux pluies et aux inondations. Un mercure à 22 degrés en moyenne pour cet après-midi. Et c'est parti pour un mois de football. L'Euro 2016 débute ce soir avec la rencontre France-Roumanie à 21h au Stade de France. Deux des 24 équipes en lice. 51 matchs disputés dans une dizaine de stades. À Lyon, à Marseille, à Bordeaux ou encore à Saint-Etienne. La finale, ce sera le dimanche 10 juillet. La 15e édition du championnat d'Europe des Nations qui s'ouvre donc dans un contexte social très compliqué. La grève des pilotes d'Air France s'ajoutera dès demain à celle des éboueurs et des cheminots. Le trafic sera encore perturbé. Aujourd'hui, 4 TGV sur 5 et 7 TER sur 10. L'État n'exclut pas de réquisitionner du personnel pour faire circuler les trains. Les taxis et les VTC ont obtenu gain de cause. La société Uber a été reconnue coupable de complicité d'exercice illégal de la profession de taxi. Elle a été condamnée à 400 000 euros d'amende pour son application Uber Pop. La société va faire appel. Les députés ont voté cette nuit la réduction de la validité des chèques. Elle passe ainsi de 1 an à 6 mois seulement. Objectif, encourager les Français à délaisser les chèques bancaires et à utiliser d'autres moyens de paiement. Les Français qui font 37 chèques par an en moyenne contre un seulement en Allemagne. Silvio Berlusconi, victime d'une attaque cardiaque ce week-end à Rome. Il a été hospitalisé dans un état grave entre la vie et la mort. À 79 ans, l'ancien chef du gouvernement italien va devoir être opéré du cœur. L'intervention devrait durer 4 heures pour remplacer une valve de l'aorte. Barack Obama s'enflamme pour Hillary Clinton. Sans surprise, le président américain annonce son soutien à la candidate démocrate pour l'élection du 8 novembre. Ils seront sur scène ensemble dès mercredi prochain lors d'un meeting de campagne dans le Wisconsin. De son côté, Bernie Sanders a indiqué qu'il voulait travailler avec Hillary Clinton pour battre Donald Trump lors de la présidentielle. La finale du championnat de France de basket est relancée. L'ASVEL a remporté le match numéro 3, 90-69, hier à Villeurbanne face à Strasbourg. L'ASVEL qui tentera donc de prolonger le suspense demain soir dans ce duel très disputé et au meilleur des 5 rencontres. Et puis de la Formule 1 ce week-end, le Grand Prix du Canada à Montréal avec les essais libres dès cet après-midi, les qualifs demain soir et la course dimanche à partir de 20h heure française. Voilà pour l'actu. Tout de suite c'est Virgin Tonic avec Camille Combal, Laure, Pauline et Clément. Bon réveil. On est heureux d'être avec vous chaque matin 7h04. Bienvenue sur Virgin Radio. On est en direct. Il y a Laure, il y a Clément. Bonjour. Il y a la popo. Coucou. Du standard, bien sûr. 3916. N'hésitez pas à nous joindre pour nous raconter tout ce que vous voulez. Cette émission, c'est la vôtre. Vous le savez, chaque matin. Et puis surtout, il y a un loyer à gagner à 7h20 dans 15 minutes à peine. Et le tirage au sort n'a pas encore eu lieu. Loyer au 7 12 13 par SMS. Vous me laissez bien votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous tirer au sort. Et ce sera gagné pour vous. Un mois de loyer, un mois de mensuel. De crédit, comme pour Fabien de la Garde dans le Var. Quelle est la seule radio qui paye ton loyer? Virgin Radio. Oh, c'est énorme. et énormément d'iPhone à gagner ce matin. Ah ouais. Énormément d'iPhone. Vous vous appelez Bernard, vous êtes marié avec une Bianca, ça fait Bernard et Bianca, c'est gagné. Vous appelez Arthur Martin, vous êtes électricien, c'est gagné. Quoi d'autre, Laure? Plombier, on avait dit hier. Arthur Martin. Oui, ouais. Vous êtes Jeanne et vous êtes mariée avec un Serge, ou vous êtes Serge et vous êtes mariée avec un Jeanne. Vous êtes Bob et vous vendez des éponges. Vous vous appelez Pierre et vous avez un martinet. Vous appelez Madame Michon et vous avez une robe fleurie. Ou vous appelez Black et vous avez un ami qui s'appelle Decker. J'en rajoute un. Oui. Ah. J'en ai un autre. Vous appelez Émile et vous êtes mariée avec Nicki Minaj. Ça fait Émile et Minaj. C'est gagné pour vous. C'est gagné pour vous tout de suite. Oui, Clément. Vous êtes colombienne, blonde et vous avez un chat qui râle. Est-ce que si vous avez un chat qui râle, il nous faut la vidéo. Vous nous écoutez en Colombie, un iPhone pour vous. Alors, appelez-nous de Colombie, l'iPhone est gagné pour vous. Je vous le dis, bienvenue sur Virgin Radio. Merci d'être avec nous dans un instant. Le pop rock électro de Imani, Don't Be So Shy. Mais à 7h05, comme chaque matin, c'est la question de ouf. La question de ouf. Vous avez une question à nous poser, vous êtes un peu ouf, iPhone pour vous les amis. On vous appelle au 3916. Clément, quelle est la question du jour? On vous a demandé de chanter Jennifer au soleil. Alors c'est un tube pour presque tout le monde. Ce qui ne tue pas me rend fort. On pourrait en venir aux mains. Je suis à celui qui me transporte. Je reste tant que l'on me sépare. Où je reprends seul le chemin. Marguerite, que cela conforte. Avec toi, j'irai bien. Même sans toi, j'irai bien. Où ça? Au soleil. M'exposer un peu plus au soleil. Quand le cœur n'y est plus brûlé, ce que l'on adore. Réchauffe son corps. Au soleil. Il y a une personne qui a pas du tout chanté. Ouais. Elle réchauffe son camp. Là, je lui dis ça. Les amis, bienvenue sur Virgin Radio. Merci d'être avec nous à 9h30. Enfin, avant 9h30, avant la fin de l'émission, un mariage en direct. Ouais. Mais quand je vous dis un mariage, c'est pas juste une façon de parler. C'est réellement, on aura deux auditeurs qui nous ont promis que ce matin, ils feront leur demande en mariage. Ils se marieront en direct pour vous. C'est Caro qui nous avait appelé il y a quelques semaines. On vous l'avait promis. C'est ce matin. Mais pour le moment, c'est Imani. Don't be so shy. Bienvenue sur Virgin Radio. Merci de nous avoir choisi. Take off my clothes, oh bless me Father, don't ask me why my heart ain't yours. Take a breath, rest your head. Close your eyes, you are right. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Hold my step, I'm in command. Can you feel my hips in your hands? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. My heart just raced so much faster. I drown myself in your holy water. And both my eyes just got so much brighter. And my soul got, oh, here so much closer. In the dark, I see your smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Take off my clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. merci d'être avec nous sur Virgin Radio. Excellent réveil. Vendredi 10 juin aujourd'hui, courage à vous à 7h10 qui êtes en train d'ouvrir les yeux. D'autres sont déjà au travail, dans les transports, en voiture. On pense très très fort à vous avec toute l'équipe qui est là. Oui, bien sûr. On a lancé une grande offre iPhone. J'ai envie de vous faire plaisir ce matin, c'est le dernier jour de la semaine. J'ai envie de vous faire plaisir. On offre des iPhones à plein de gens. Oui. Laure, est-ce que tu peux faire un récap de tous les gens à qui on offre un iPhone? Vous nous contactez via Facebook, c'est évidemment gratuit. Et nous, on vous rappelle au 3916. Laure. Alors, si vous appelez Jeanne et que vous êtes mariée avec un Serge, ou si vous appelez Serge et que vous êtes mariée avec Jeanne, si vous appelez que vous vendez des éponges, si vous appelez Pierre et que vous prenez en photo avec un martinet, si vous appelez Bernard et que vous avez une fiancée qui s'appelle Bianca, si vous nous écoutez en Colombie, si vous êtes Tic et que vous avez un ami qui s'appelle Tac, si vous avez un ami qui s'appelle Decker et que vous appelez Black, et si vous Fleury Michon, il faut s'appeler Madame Michon, avoir une robe fleurie. Avoir, mais se prendre en photo avec une robe fleurie, il faut prouver. Ça donne Fleury Michon, bien sûr. Je rajoute une chose. Et il manque un. Comment ? Plombier Arthur Martin. Plombier Arthur Martin. Je rajoute, vous vous appelez Pauline. Et dans votre numéro de portable, il y a le 39 et le 16. Okay. C'est le numéro pour nous joindre. 39 16, vous tombez sur Pauline. Vous appelez Pauline. Dans votre numéro de portable, il y a le 39 et le 16. C'est gagné pour vous, Pauline. Si tu t'appelles Silver et que t'es en train de manger chez Quick. Quick Silver. Ça marche pour moi. Je le prends. Et déjà, si vous vous appelez Silver, appelez-nous. On débrief avec vous. On va faire une cellule de crise. Oui, Clément. Si tu t'appelles Liliane et que t'étais plutôt bête en cours. J'accepte. Okay. Liliane, bête en cours. J'accepte. Eh bien, sachez qu'on va commencer à offrir des iPhones. On en profite, le patron arrive vers 8h30. On va vous faire plaisir d'ici là, puisqu'il y a une Jeanne avec nous au téléphone. Bonjour Jeanne. Bonjour. Jeanne, ma chérie, sois la bienvenue sur Virgin Radio. Tu viens d'où ? De Nantes. De Nantes, très bien. Et alors, comment s'appelle ton chéri ? Ça s'appelle Serge. Donc ça fait Jeanne et Serge, célèbre dessin animé, bien sûr. On a le générique. Et Serge, coup de foudre à la tourelle épaule. Jeanne et Serge, amour dès le premier regard. Bon, si Laure connaît le générique, c'est que c'est pas très récent, vous le savez. Jeanne, ma chérie, t'es mariée à Serge ? Non. C'est perdu. Et comment on peut vérifier que ce soit ton chéri ? Je sais pas. On peut l'appeler ? Vous êtes en couple depuis combien de temps ? Depuis 4 ans. Et il est où là actuellement ? Il est près de toi ? Non, en fait là il est en stage au Japon pour son école et du coup En stage au Japon ? Oui. Et pour faire quoi ? Il est en école de commerce et du coup il devait faire un stage cet été et du coup il a voulu partir. Juste pour apprendre à manger avec des baguettes. Galérer, on avait besoin de résoudre ça. Oui, Nico du bureau. Je connais aucun Serge en école de commerce. Je pense que. Je connais aucun Serge au Japon. Tu sais comment ça se dit, Serge au Japon, Jeanne ? Non. Menu B12. Ça veut dire Serge au Japon, mais ne pensez pas. Ma chérie, tu sais quoi ? On va vérifier, mais quoi qu'il arrive, si c'est vrai, on va aller sur ton Facebook et tout, parce que c'est important quand même que ce soit vrai. Bah oui. Mais on t'offrira l'iPhone, et tu sais quoi ? Avec un grand plaisir, ma petite Jeanne. Merci. D'accord, on a un Pierre qui est avec nous. Si je rappelle qu'on cherchait un Pierre qui a un martinet, vous prenez en photo, ça donne Pierre Martinet, le traiteur intraitable, et iPhone pour vous. Pierre, j'ai vu la photo, Ginger sur les réseaux sociaux me l'a montré, on regarde tous vos messages le matin, merci d'être si nombreux. Pierre, tu t'es pris en photo dans les transports avec un martinet sur ton téléphone, ça donne Pierre Martinet, c'est gagné pour toi. Ah, impeccable. Eh ben alors, tu viens d'où Pierre ? Je viens de Château dans le 78. Eh ben très bien, en région parisienne, Pierre, iPhone pour toi. Ah merci, super. Ah ben, ça on a pu vérifier, on est sûr, ça fait Pierre Martinet, iPhone. Ça fait déjà deux iPhones d'offert. Bravo. Merci. Ah, on va vous offrir des beaux cadeaux ce matin. Je suis tellement content d'être avec vous. Oui ma Pauline. On peut savoir pourquoi Pierre a un martinet ? Non, il a mis en fait une photo sur son iPhone, il s'est pris en photo, je m'appelle Pierre et voilà un martinet sur mon téléphone. Ah, il est fort. Et pour moi. Non, le martinet ça se fait plus. Pour moi, c'est malin. C'est gagné. Bien sûr. Super. Oui Clément. Non mais on a le droit de tricher. On rappelle que Serge tout à l'heure est parti au Japon. Là il est dans l'avion juste pour gagner un iPhone. Il fait l'aller-retour. Oh là là. Les amis, je veux absolument trouver un Arthur Martin plombier. Ou électricien. On élargit un peu. On ouvre un peu. Allez. Il regarde Nico. Vous vous appelez Arthur Martin. Oui. Vous êtes plombier, électricien, ou vous bossez chez EDF. Ça marche aussi. Magnifique. Ça ouvre des portes. Exactement, bien sûr que ça ouvre des portes. Bisous mon Pierre. Bisous, merci, vous êtes géniaux. Et merci à toi et Pierre qui nous écoute dans les transports, qui a fait le jeu et nous a envoyé la photo depuis les transports, c'est gagné pour lui. 7h15 les amis, on est en direct avec vous dans un instant, mais qu'est-ce qu'on les adore, ils sont venus nous voir plusieurs fois, c'est des amours, les trois mousquetaires de mes propres ailes, voilà ce qu'on va écouter. Soyez les bienvenus sur Virgin Radio et puis surtout dans 5 minutes à peine, je vous paye votre loyer sur Virgin, merci d'être avec nous. Salut, c'est Camille Combal. Mardi 14 juin, c'est la journée mondiale des donneurs de sang. Alors je vous connais, vous allez me dire « Ouais, mais c'est hyper compliqué de donner son sang. » Eh bien non, il suffit d'avoir 45 minutes et le don ne dure que 10 minutes. C'est facile, vous arrivez, on vous accueille et vous vous laissez guider. Et si c'est votre premier don, pensez à venir avec une pièce d'identité. Un don de sang, c'est utile et c'est simple. 300 collectes sont organisées en ce moment dans toute la France, alors il y en a forcément une pas loin de chez vous. Si vous voulez plus d'infos, rendez-vous sur le site de l'établissement français du sang, jedonnemonsang.net. Juste quelqu'un de bien. Grâce à notre opticien Atoll, nos yeux sont bien protégés. Pour l'été, j'ai choisi des lunettes de soleil Polaroid et il m'a proposé une deuxième paire à moitié prix. Parfait pour mon fils. Avec mon super opticien Atoll, même pas perdre un rayon du soleil. Même pour des solaires sans correction, confiez votre vue à un professionnel. Les verres polarisant supprime la réverbération et améliore les contrastes. Et en ce moment, pour l'achat d'une solaire Polaroid, la deuxième est à moitié prix pour qui vous voulez. Offre jusqu'au 21 juin selon conditions dans les magasins participants. Atoll, mon opticien. Quelqu'un de bien. Carrefour Market. Moi, je préfère ce qui est tout frais. Les fruits qu'on vient de cueillir, les fleurs du jardin, celles qu'on vient à peine de couper. Et le poisson qu'on vient de pêcher, Michel. Car jusqu'à demain chez Market, la queue de lotte est à seulement 11,95€ le kilo. Ah, oh, cette fraîcheur. On sent presque les embruns. Ouh. Carrefour Market, le plein de fraîcheur et d'économie. Et aujourd'hui, comme tous les vendredis chez Carrefour Market, c'est moins 10% sur toute la poissonnerie créditée sur votre carte de fidélité. Pêché en Atlantique Nord-Est, modalité et magasin participant sur carrefourmarket.fr. Avec Benjamin qui déjeune en famille pour la fête des pères. Et c'est le moment pour lui d'offrir son cadeau. Suspense. Mais regardez, c'est une carte cadeau Décathlon. Superbe. À utiliser en une ou plusieurs fois en magasin ou sur Décathlon.fr. Et d'ailleurs, le papa tend la main et son fils tape dedans, c'est un check. Oh, mérité. Pour la fête des pères, pensez à la carte cadeau Décathlon d'une valeur de 10 à 250 euros. Décathlon, à fond la forme, voire conditions en magasin et sur Décathlon.fr. Lloris passe à Boateng. Boateng pour Messi. Oh là là, Messi accélère. Oh, il évite le tacle de Toulala en F5 pour Ronaldo. Oh, superbe retourne acrobatique de Ronaldo. Quel but. Super. L'intégralité de l'UEFA Euro 2016 avec beIN Sport et 100% de la Ligue 1 et de l'UEFA Champions League, les plus grandes compétitions enfin réunies dans une seule offre. En ce moment, retrouvez Canal Plus et beIN Sport à 30€ par mois dans les offres Canal pendant un an. Appelez vite le 3910. Service payant 25 centimes la minute plus prix appel. Offre soumise à condition pour tout nouvel abonnement simultané aux chaînes Canal Plus et à beIN Sport. Avant, l'été sans Chris, ça ressemblait à ça. Chou, qui veut des choux? Chou. Mais ça, c'était avant. Chouchou, qui veut des chouchous? Des bons chouchous. Avec Chris, l'été, c'est mieux quand ça marche par deux. Jusqu'au 2 août, pour tout achat d'une paire de lunettes de soleil, Chris vous offre la deuxième. Et cette année encore, Chris, opticien officiel du Tour de France. Chris, vous allez vous aimer. Valable sur une sélection de montures, voire conditions en magasin. C'est un très beau bébé, madame. Mais c'est une fille ou un garçon? Eh bien, c'est... C'est le retour de l'alerte discount spécial frais. Je dois filer. Aujourd'hui et demain, les tranches de poitrine de porc nature origine France sont à 3,29€ le kilo chez Netto. Quel heureux événement, cette alerte discount. Netto, le discounter qui fait la différence. Barquet de 1,080 kg environ. Salut, moi c'est Luc Aplat. Oui, bon je sais, en plus on me traitait de dégonflé. Mais c'est fini tout ça. Hier, Solange, c'est ma copine, m'appelle paniquée. Je viens de crever. Elle me dit, t'as une bonne voix pourtant. Mais non, idiot, un pneu. Console-toi, j'ai dit. Chez Citroën, du 9 au 11 juin, c'est porte ouverte à pré-vente, avec moins 50% sur le deuxième pneu acheté. Et en plus, tu peux prendre rendez-vous en ligne. Oh, mon Luc Aplat, tu me regonfles. Qu'elle a fait. Merci, Citroën. Les services Citroën vous simplifient la vie. Offre réservée aux particuliers, pose dans le réseau participant. Conditions sur citroën.fr. Citroën. Dans moins de 2 minutes, Camille Combal paye votre loyer sur Virgin Radio. La météo Virgin Radio. Une France partagée en deux pour aujourd'hui. Toujours beaucoup de soleil sur la moitié est, y compris la région parisienne, mais le retour des averses et des orages au fil de la journée sur les régions de l'ouest. D'ailleurs, les trois départements de la pointe bretonne sont en alerte aux inondations. 15 degrés cet après-midi à Cherbourg, 17 à Brest, 19 à Nantes et à Bordeaux. Vous aurez 20 à Limoges, 21 à Lille, 22 à Chantilly, 23 degrés à Paris, Chambéry, Valence et Nice, 24 à Marseille et Perpignan, 26 à Lyon et 28 du côté de Montpellier. Bon réveil. Virgin Radio. Virgin Radio. Virgin Radio. Dans Duotime, il y a Duo pour deux et Time pour le temps. Et oui, avec Duotime, le temps d'être deux est venu. Appelez le 08 92 05 04 03. Euphonia 34 centimes la minute. Cet été, faites une cure de pop, rock, électro. Virgin Radio, partenaire du Festival Musilac. Sur les bords du lac du Bourget. À Aix-les-Mains. Respirez l'air frais de The Avener. James. Synapson. Louise Attaque. Joseph Salvat. Ou encore Ratatat. Lily Winning the Prix. Le Festival Musilac. Les 8, 9 et 10 juillet prochains. À Aix-les-Bains. Infos et réservations, point de vente habituel et virginradio.fr. Le Festival Musilac. Un événement. Virgin Radio. Est-il fidèle? Envoyez proche PROCHE au 72021 et découvrez s'il est sincère avec vous. Envoyez proche au 72021. 65 centimes plus prix d'un SMS tel qu'au passe. Virgin Radio. Virgin Radio. Électrochoc. Virgin Radio Electrochoc. L'une des nombreuses web radios à retrouver sur l'appli et sur virginradio.fr. Tous les matins à 7h20, Camille Combal paye votre loyer dans Virgin Tonic. Avec toute l'équipe et avec un petit peu de retard, et je m'en excuse, bien sûr qu'on paye votre loyer tous les matins, 6h20, 7h20, 8h20 et 9h20. On vous donne du courage toutes les heures en payant votre loyer. Et pour vous remercier d'être aussi fidèle au Virgin Tonic, vendredi 10 juin, aujourd'hui, Marie-Florence, première gagnante à 6h20. On lui a remboursé son loyer si vous êtes propriétaire pour votre mensualité de crédit. Ça marche aussi, bien sûr. Deuxième tirage au sort de la matinée, c'est parti. Je vous souhaite bonne chance à tous, évidemment. Loyer au 7-12-13 par SMS, vous le connaissez hein, maintenant le numéro. Vous êtes très nombreux à vous inscrire. On appelle Jennifer là. Ah, la vraie? Il va y en avoir des fausses. Alors, non, mais j'ai au soleil. Non, non, bah, pas ça. Jennifer, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, sois la bienvenue. Tu es en direct sur une radio parce que tu t'es inscrite par SMS. Donc, je vais te poser une question. Si tu réponds bien, tu auras le sourire. Je vais te faire un beau cadeau. Quelle est la seule radio qui te paye ton loyer chaque matin et toutes les heures en France? C'est Virgin Radio. Et c'est une radio. Ah, elle est bien, Jenny. Hein. Ah, elle est top. T'es jamais déçu par des Jennifer. Sois la bienvenue, ma belle. T'es en direct sur Virgin Radio. T'as bien répondu. Tu viens d'où? Dans l'Orne, en Basse-Normandie. D'accord. Où exactement? Un petit village entre Argentan et Alençon. Je veux pas donner le nom. Apparemment, tu n'as pas envie de décliner ton identité. C'est le Ménilseller, précisément. Voilà. Mais ça nous, je vais te dire un truc que quelqu'un de l'équipe peut connaître et puis les gens qui nous écoutent, ça leur fait plaisir d'avoir un gagnant dans ce coin-là. Tu fais quoi dans la vie? Je suis la jockey. La jockey, c'est-à-dire tu fais les lumières en boîte? Non, pas du tout. Tu fais les jus d'orange light, les light jockey? Tu montes à cheval? Tu as raccroché suite à cette vanne? Excuse-nous, c'est un petit peu coupé, Jennifer. C'est quoi ton métier, light jockey? Je connaissais pas du tout. Comment? Je connaissais pas du tout ton métier, ça consiste en quoi? Eh ben, je prépare des chevaux, j'ai bichonne, on va dire, et je les entraîne physiquement pour faire... Que les jockeys les montent. Ah d'accord, on l'entend pas très bien, ouais. Jennifer. Ah ouais, c'est énorme, préparer les chevaux qui font les courses, le tiercé et tout. Oui, Laure. Et c'est souvent des filles qui font ça parce qu'elles sont plus légères, donc elles fatiguent pas les chevaux. Ouais. Ah mais genre, elles courent avec. Ouais. Elle les prépare en fait, elle les chauffe les chevaux. Ah, c'est pas juste les brosser et tout, non, c'est non. Vraiment le... Elle les monte, je pense. On t'a récupéré, Jennifer? Oui, je suis là. Et donc tu fais quoi? tu les montes et tout? Tu cours avec les chevaux? Bah en fait, on les entraîne, c'est au sulky ou monter. Et comme bah c'est des trotteurs nous spécifiquement et du coup on les prépare physiquement comme un cycliste, comme un sport grand sportif de haut niveau. Donc bah si ouais. On garde tes coordonnées, tu pourrais nous dire par exemple qui va gagner le prochain tiercé. Oui, entre autres. C'est génial, ouais. Clément. Moi, je voulais être jockey quand j'étais petit, puis après, j'ai grandi, puis j'ai fait 90 kilos. Du coup, j'ai fait autre chose. Je rappelle ma phrase préférée de Clément, t'as grandi. J'ai grandi à Pouzauges en Vendée, j'ai grossi à Paris. C'est ça. C'est ma passion, Willan. Moi aussi je voulais être joker, enfin jockey. Joker, oui, c'est le méchant dans Batman. Non, c'est le féminin. C'est autre chose. Là, je voulais être jockey, donc j'avais la bonne taille, ça c'était cool. Mais je montais pas à cheval, j'ai commencé à 30 ans, donc c'était un peu trop tard. Mais toi, t'as la taille plus pour les poneys, non? C'est ça. Allez, je t'embrasse. Au revoir. Bisous à toi. Bisous. Merci. Jennifer, je t'embrasse. Il est de combien ton loyer? 500 euros. Eh bien, tu es la deuxième. On a déjà payé pour plus de 1000 euros de loyer ce matin. Je t'embrasse très très fort, ma Jenny. Deuxième gagnante de la matinée. Que des filles pour l'instant. Mais dans une heure, nouveau tirage. Et tout de suite, les trois mousquetaires. De mes propres ailes. Je l'adore, ce morceau. Ils vont cartonner. Ils sont en train de remplir complètement le palais des sports. C'est le numéro 1. Des ventes de comédies musicales. Bravo. C'est énorme, les amis. Les trois mousquetaires, on les suit depuis le début. Ils sont adorables. Ils sont venus plusieurs fois dans l'émission. Et c'est tout de suite sur Virgin Radio. Excellent réveil. Virgin. Ce que je laisse, c'est à contre-cœur. Mais un ailleurs m'appelle envers et contre tout. Je sais ce que je blesse, je vois leur douleur. Mais j'en ferai une force qui me suivra partout. Comme un bon levier qui s'ouvre à la vie. On ne va loin que jusqu'au bout. Bien plus qu'un pari. Ce sera debout, mais il faut s'en aller quand il le faut. Croire en son étoile pour toucher le ciel. Et moi je veux voler, voler plus haut. De mes propres ailes, voler de mes propres ailes. Bienvenue à tous sur Virgin Radio, 7h27. On est très heureux d'être avec vous vendredi 10 juin. On vous accompagne tous les jours de la semaine, bien sûr, du lundi au vendredi, 6h-9h30, avec toute l'équipe qui est là. Oui. Et alors ce matin, ne me demandez pas quelle mouche nous a piqué. On a envie de vous offrir des téléphones iPhone 6S, le tout dernier iPhone. On va vous l'offrir. Il suffit de répondre aux critères ce matin, Laure. Oui, alors, vous appelez Liliane, vous étiez bête en cours. Vous êtes en train de manger au cook et vous appelez Silver. Vous nous écoutez en Colombie. Vous vous appelez Madame Michon, vous portez une robe fleurie. Ça fait fleurie Michon. Oui. Oui. Vous appelez Arthur Martin, vous travaillez chez EDF, vous êtes électricien ou plombier. Vous appelez Pauline, vous avez 3916 dans votre numéro de téléphone. Vous appelez Bob et vous vendez des éponges. C'est vous pas simple ça. Et non, c'est pas simple. Vous appelez Bernard et vous avez une chérie qui s'appelle Bianca. Bernard et Bianca. Voilà. Et ceux qu'on a déjà eu, Pierre avec un martinet et Jeanne et Serge. J'en rajoute. Vas-y. Ah. Ouais. J'en rajoute. Vous vous appelez Philippe et vous avez une télévision Philips. Vous prenez devant, vous gagnez un iPhone. Ah ouais, c'est facile. Je rajoute. Ouais, là c'est facile. Clément, par exemple, si vous appelez. Non, vous êtes Mac et vous appelez Donald. Voilà. McDonald's, vous avez un réseau de femmes. Vous vous appelez Loïs. Ouais. Et vous vous prenez en photo avec votre pull en laine, ça fait Loïs Laine. Oh. Et je prends. C'est la chérie de Superman. Mais oui. Évidemment, Nico du bureau. Moi, j'aimerais vraiment savoir s'il y a des gens qui s'appellent Nova et qui ont une mamie qui s'appelle Mamie Nova. C'est génial. Ah, c'est non. Papy Brossard, moi, je connais ça. Monsieur et Madame Nova. Si votre grand-mère nous appelle, ça fait Mamie Nova et c'est gagné. Ah ouais, c'est génial ça. Oui, Clément. Si vous appelez Hugues et que vous êtes dans un frigo, Hugo Frey. Vous appelez Gérard. Vous habitez en Normandie. Ça fait Gérard le Normand. iPhone pour vous. Ah, ça c'est facile, c'est facile. 3916, les amis. Alors, je vous jure que tout est vrai. On va vous mettre les liens sur Facebook parce qu'on vérifie tout hein, avant de passer les gens à l'antenne. Je vous jure qu'on a une Madame Michon qui nous envoyait une photo avec une robe fleurie. C'est génial. Ça fait Fleurie Michon. C'est Cécile. Bonjour Cécile. Bonjour toute l'équipe. Salut. Salut. Cécile, tu nous confirmes, tu t'appelles bien Cécile Michon? Eh oui, tout à fait. Je suis mariée, c'est pas mon nom d'origine. Hein. Mais non, mais. C'est pas grave. Non, mais je savais que ça payerait un jour m'appeler Michon parce que c'est très dur des fois. Elle assume pas du tout. Ma Cécile, tu nous envoyais une photo sur Facebook? Oui. J'ai couru avec mon mari, on a rigolé, on était morts de rire ce matin. Il m'a dit, vas-y, chercher une robe fleurie. Je savais que mon nom payerait un jour. C'est une très belle robe, je l'ai vue. Et on va vous mettre le lien pour vous montrer que tout est vrai. Ma petite Cécile, c'est gagné pour toi iPhone 6S. Ah ben, c'est trop génial. Wow. Et qui aurait cru que cette robe fleurie te donnerait un téléphone? Oui, et puis le nom aussi. Ouais, surtout. Ouais, c'est lourd pour elle, hein. C'est énorme. Nos auditeurs je rappelle sont aussi fous que nous. Qu'on a déjà offert un téléphone à Pierre Martinet et à Jeanne et Serge. Une Jeanne mariée avec un Serge comme le dessin animé. Les amis, restez avec nous. Vous répondez à ces critères-là. On vous offrira un téléphone dans quelques instants. 7h31, on fait un point sur l'actu avec tous nos journalistes en France qui se réveillent près de vous. On est très heureux d'être avec vous. Et on est là jusqu'à 9h30. Je sais pas combien de téléphones on va offrir, mais ça va être n'importe quoi ce matin. On est très en forme. Bienvenue sur Virgin Radio. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Sananas. Aujourd'hui, pas de tuto. Vous pouvez poser les pinceaux. L'idée, c'est de ne rien faire et de vous laisser faire. Au make-up bar de Sephora, de super pros sont là rien que pour vous. Vous pouvez y aller les yeux fermés pour le smoky de vos rêves et être au top du top niveau. Être encore plus belle sans bouger le petit doigt, moi je valide. En plus, c'est gratuit et sans rendez-vous. Sephora, au cœur de la beauté. Maquillage ciblé réalisé par les conseillères Sephora selon disponibilité. Les infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, le retour de la pluie et des orages aujourd'hui sur toute la moitié ouest du pays, le Finistère, les Côtes d'Armor et le Morbihan en alerte aux pluies et aux inondations. À l'avant, ce sera encore bien ensoleillé toute la journée, 23 degrés cet après-midi à Paris et 24 à Marseille. Le rideau se lève enfin sur l'Euro de football, fin du compte à rebours pour tous les fans du ballon rond. La compète démarre ce soir avec France-Roumanie à 21h au Stade de France, 24 équipes en lice. Les Bleus qui jouent à la maison espèrent décrocher un nouveau titre européen le 10 juillet. Après leur victoire en 84 et 2000. Côté sécurité, gros dispositif avec 90 000 policiers, gendarmes, policiers, pompiers militaires et secouristes mobilisés dans les 10 villes qui accueilleront des matchs. Le DJ David Guetta a donné hier soir le coup d'envoi des festivités avec un grand concert au pied de la Tour Eiffel. Et pendant l'Euro, les grèves continuent, les poubelles s'entassent sur les trottoirs parisiens et le site de traitement des déchets est aussi bloqué à Fos-sur-Mer près de Marseille ainsi que dans le sud-ouest. La grève encore et toujours à la SNCF, un trafic ce vendredi de 4 TGV sur 5 et 7 TER sur 10, et puis de 20 à 30% de vols annulés demain pour faire face à la grève des pilotes Air France. Le Truvada va pouvoir être prescrit dans les centres de dépistage du sida. Le décret est paru ce matin au journal officiel. La ministre de la Santé, Marisol Touraine, rappelle cependant que le préservatif reste le moyen de prévention prioritaire contre le virus, efficace dans 99% des cas. À l'étranger, les obsèques de Mohamed Ali à Louisville, aux États-Unis, second jour de funérailles aujourd'hui, avec une longue procession de 30 km en corbillard. L'ex-président Bill Clinton et le comédien Billy Crystal prononceront une partie de l'éloge funèbre. L'inhumation se fera ensuite dans l'intimité. Le cercueil sera porté par 8 personnes, dont l'acteur Will Smith. Dans l'actu musique, la sortie aujourd'hui de la compile qui va vous accompagner tout l'été, Virgin Radio Summer Pop 2016. 57 titres en CD et en téléchargement. Sia, Flume, Coldplay, Luan, Justin Bieber, The Avner, Synapson ou encore David Guetta, l'ambassadeur musical de 7 euros. Virgin Radio Summer Pop 2016, une compile donc dispo dès aujourd'hui et aussi à gagner toutes les 10 minutes ce week-end sur Virgin Radio. En tennis, Rafael Nadal contraint de zapper Wimbledon. L'Espagnol souffre toujours d'une inflammation du poignet gauche qu'il avait déjà forcé à abandonner Roland-Garros. Wimbledon débute le 27 juin prochain. Voilà pour l'actu. Tout de suite, c'est Virgin Tonic avec Camille Combal, Laure Pauline, Ginger, Nico et Clément. Très bon réveil avec nous. C'est 6h, 9h30 sur Virgin Radio. C'est sur Virgin Radio. Et vous avez bien fait, c'est là que ça se passe tous les matins entre 6h et 9h30 avec Laure, avec Clément, avec Pauline du Standard. Je voudrais vraiment vous souhaiter beaucoup de courage à vous qui êtes en train d'ouvrir les yeux. Beaucoup sont déjà, je le sais, en voiture, au travail, dans les transports. On prend soin de vous, on s'occupe de tout pour vous entre 6h et 9h30 et notamment des très très beaux cadeaux puisque dans un instant... On vous envoie au Axbot Festival. Ce sera à Nice cet été. Vous le savez, depuis les années bisextiles, c'est la plus grande soirée de l'été. Ce sera du 4 au 6 août avec Breakbot, avec Lilywood and the Freak, avec Feder Macronson. Feder aussi. Les artistes que vous aimez, ils seront tous présents pour cette grande soirée. Et nous, on vous offre le transport, l'hébergement et les passes VIP pour faire la fête, rencontrer tous les artistes que je viens de vous donner et plein d'autres. C'est hallucinant. Voilà, vous voulez vous faire une belle soirée cet été, c'est maintenant qu'il faut nous appeler au 3916. N'hésitez surtout pas. On va tirer au sort dans un instant le gagnant qui passera avec nous à l'antenne. Ou je dis gagnant parce qu'il n'y a jamais de perdant chez nous. Même les gens qui perdent les jeux partent avec les cadeaux. C'est quand même sympa. Oui, il rejoue tous les jours. C'est ça. C'est un peu comme quand vous êtes enfant, que vous prenez des cours de ski et quoi qu'il arrive, vous partez avec l'ourson. C'est le même principe ici sur Virgin Radio. Donc appelez-nous au 3916, mais à 7h36 avant d'écouter Pink. Bien sûr que c'est le réponse à tout. Tonic. Réponse à tout. On adore ce rendez-vous parce que on donne la parole aux enfants et voilà, si vous l'avez pas encore vu, allez voir l'émission qu'on a fait mercredi. C'était le Kids Tonic, une émission en public mais uniquement avec des enfants. Et on s'est régalé. Vraiment, c'était fantastique. On s'est très très très amusé. Donc n'hésitez pas à aller voir les images et les podcasts, Clément. Et du coup, ce matin, je leur ai demandé à quoi on reconnaissait un fou. C'est quoi un fou? C'est un taré qui veut toujours crier. C'est une personne qui est atteinte psychologiquement et qui fait n'importe quoi. Un fou, c'est quelqu'un qui fait plein de bêtises. Un fou, c'est quelqu'un qui vole, qui prend des enfants. Mais qui vole comme Superman? Mais non, il vole des choses. C'est quelqu'un qui fait n'importe quoi. Ça crie comment les fous? Les fous, ils boivent de l'alcool tout le temps. Un fou, c'est une personne qui fait n'importe quoi et qui pense qu'à crier et faire n'importe quoi dans la rue comme ça. Il court en culotte dans la rue. À quoi on reconnaît un fou dans la rue? On s'approche pas de lui parce que si on l'entend crier, ça veut dire qu'il est taré. C'est très simple. On se demande comment est Camille Combal et puis on compare. Le réponse à tout. Merci pour toutes vos réponses. Pink, Just Like Fire. Voilà ce qu'on écoute tout de suite sur Virgin Radio, 7h37. Beaucoup de courage à vous. What's up, this is your pinkness. Virgin Radio. Just like fire. Tonic. I know that I'm running out of time. I want it all. And I'm wishing they stop trying to turn me off. I want it all. And I'm walking on a wire, trying to go higher. Feels like I'm surrounded by clowns and liars. Even when I give it all away, I want it all. Just like fire, burning up the way. Rocket like the world up with just one leg. Nobody's done it. Y'all don't think I can run it, but look, I've been here, I've done it. Impossible, please. Watch, I do it with ease. You just gotta believe. Come on, come on with me. Just like fire, burning up the way. If I could light the world up for just one day. Watch this madness, colorful charade. No one can be just like me anyway. Just like fire. Merci de nous avoir choisis. C'est Virgin Radio, 8h20. Virgin Tony. Courage à vous qui êtes en voiture, qui êtes en train d'ouvrir les yeux. Toute l'équipe est là, bien sûr. Oui, oui. Des cadeaux magnifiques à vous offrir. On va offrir mes moult iPhone 6S ce matin. C'était pas prévu. Il y a plein de critères. On va vous les rappeler dans un instant. On a déjà offert un téléphone à Jeanne et Serge, oui. À Pierre Martinet. Exactement. Et à Madame Michon qui porte une robe fleurie. ça fait fleurie Michon. Ah, voilà. Ah, il nous en faut pas plus. Hein. Ah, non. Les amis, restez avec nous. Mais pour le moment, on joue avec vous. Pour un très très beau cadeau, c'est des places tout frais payées et des accès VIP au Axbot Festival à Nice du 4 au 6 août. Virgin Tonic, Blind Test, sur Virgin Radio. Et on a fait ce jeu tous les matins depuis le début de la semaine. C'est un blind test de 30 secondes. En 30 secondes, il faut reconnaître le maximum de morceaux. Celui des deux qui gagne repart donc avec ses passes VIP. Ce matin, on accueille Sébastien et Sandrine. Salut tous les deux. Bonjour tout le monde. Coucou tout le monde. Salut. Tu viens d'où, ma Sandrine? Moi, je suis en Bourgogne, pays de la moutarde. Je viens de Dijon. Exactement. Et le département de naissance de mon chien Groucho. Oui. Ah oui. Ce qui ne gâche rien. Et toi, mon Sébastien? Je viens du Mans. Très bien. Comme les rillettes. Exactement. Et les 24 heures également. Oui, ma petite Pauline. Mais l'autre jour, justement, j'ai croisé un Groucho bébé. Et c'est hyper mignon quand c'est petit. Bah, il est pas beau le mien? Non, mais c'est. Non, mais parce que je pensais pas que ça pouvait être aussi petit en fait. Ah oui, c'est petit un moment. Il le promenait, c'est. Oh là là, j'avais envie de le voler. Et le mien? Bah, le tien, je l'aime, mais il sent. Ils sont très forts. Tu lui fais un câlin, t'as envie d'aller te laver. Ah ouais. Il a. Oui, mais c'est parce que c'est les pieds, mais tout ça. Un bulldog anglais, mon chien, il faut expliquer. Il est tellement gentil. C'est ma fierté. Je sens qu'il va faire médecine, celui-là. Je sens qu'il va me rendre fier, celui-ci. Sandrine, on va commencer par toi parce qu'on est galant dans cette équipe. Ma Sandrine, 30 secondes pour toi. Je vais te mettre un maximum de morceaux. Alors, tu peux proposer autant de personnes que tu veux. Il faut reconnaître l'artiste, bien sûr. Mais dès que t'hésites, passe très vite. Parce que 30 secondes, ça va très, très vite. N'hésite pas. Ma Sandrine, tu es prête? Allez, c'est parti. Alors, attention, 30 secondes pour toi. On y va. Je passe, je sais plus. Oh non! C'est trop dur. Oui, mais je l'ai pourtant, je écoute, vous avance, je passe, je sais plus. Nanana. Ouais, mais. Il faut que tu passes, passe. Je passe. Everybody get up. Bah oui, mais. Oui. C'est le problème. Et... Je passe! Passe. Oula! Mais c'est pas. C'est attention, pas celui-là, bon. Celui-là. Non, c'était Martin Solveig. Juste avant. Et juste avant quand même. On a écouté Robin Thicke. Encore avant. Et je suis sûr sur les réseaux et là à la radio, dans votre voiture, vous aviez reconnu Daft Punk bien sûr. Évidemment. C'était facile hein. Et la toute première, ça va te rendre dingue de pas l'avoir trouvé, c'était Lady Gaga. Mais évidemment, ouais. J'ai l'album, je l'écoute. Et oui, ça fait 0 points Sandrine. C'est mal barré. Sébastien, tu l'as compris en 30 secondes. Il suffit que tu reconnaisses un morceau et c'est gagné pour toi. Tu te sens prêt, Seb? Eh ben, on va faire le maximum. Hein. 30 secondes, n'hésite pas à passer. Hein, quand t'as pas le titre. Et tu peux faire autant de propositions que tu veux. N'hésite pas, on y va. Premier extrait, c'est parti. Oh là là, je passe. Si t'as pas, passe. Je passe. Mika. C'est Mika, c'est gagné, bravo. Oh, c'est chaud. Oh là là, Mika, oh là c'était là. Facile, mais il faut reconnaître quand même que Sandrine a eu aussi des morceaux très faciles. Juste avant, mon poteau, c'était Sean Paul. Ah oui. Mais bien sûr, mais l'info, elle est. Ouais, voilà. Et juste avant, c'était Holy Seas. Je vous avais découvert sur Virgin Radio. C'est vrai que c'est trop court. Celui-là est un peu difficile. Mais Sébastien, t'as marqué un point, ça suffit pour t'envoyer. Je vais te dire, au Axbot Festival de Nice, c'est une soirée magnifique.

8h05, je vous souhaite un excellent réveil sur Virgin Radio. J'espère que ça va pour vous à cette heure-ci. Énormément de collégiens, de lycéens qui partent en cours. On vous souhaite beaucoup de courage dans les transports, en voiture aussi. Vous qui partez bosser, puis ceux qui ont embauché très très tôt, même dans la nuit. On est là avec vous chaque matin, 6h, 9h30 sur Virgin. Et même dès 5h avec Robin pour le warm-up du Virgin Tonic. On est là en direct avec vous. L'équipe est avec oui nous. Oui, ça fait très plaisir. Et puis surtout vous, hein, vous qui êtes si nombreux chaque matin. L'actu qui arrive, bien sûr, à 8h tout pile comme chaque jour. Et puis juste après, c'est la question de ouf à 8h05. Mais c'est une matinale exceptionnelle, puisque ce matin, je ne sais pas ce qui nous prend, mais c'est vendredi, il y a un avant-goût de week-end, ouais. Et on a envie de vous faire plaisir. C'est bien beau, on rigole chaque jour, mais faut vous remercier pour votre fidélité. On vous offre des iPhone 6S si vous répondez aux critères du jour. Laure okay va vous les rappeler. Vous vous appelez Hugo, vous êtes dans un frigo Hugo frais. Vous prenez dans un truc, voilà, une glacière, n'importe quoi, voilà. Ça donne Hugo frais, ça marche. Vous appelez Gérard, vous habitez en Normandie, ça fait Gérard le Normand. Monsieur, Madame Nova, c'est votre mamie, est toujours là, Mamie Nova. Philippe, et vous vous prenez en photo devant une télé Philippe, vous appelez Loïs, vous avez un pull en laine. Ça fait Loïs Laine, bien sûr, la femme de Superman. Oui, c'est génial. Liliane, et vous étiez bête en cours. Vous mangez au quick et vous appelez Silver. Vous nous écoutez en Colombie. Vous êtes électricien, vous travaillez chez EDF, vous êtes plombier, vous vous appelez Arthur Martin. Vous appelez Bob, vous vendez des éponges. Vous appelez Bernard et votre femme s'appelle Bianca ou Pauline. Et votre numéro contient les chiffres 39 et 16. Ah. Très bien, on lance le hashtag je m'appelle. Ok. N'hésitez pas, réagissez et on vous rappelle bien sûr, comme ça c'est gratuit, c'est sur les réseaux sociaux et nous on vous rappellera au 3916. Il y a plein de gens qui, c'est vraiment le premier, hein. Ouais. Je vous le dis, par exemple, voilà, la première personne qui s'appelle Hugo qui se met dans un frigo, bah ouais, ça donne Hugo frais, c'est elle qui gagnera. Ouais. Okay. Même si vous êtes très nombreux, c'est la première personne ouais qui nous appelle. Oui, ma Pauline. Je peux en proposer? Vous savez quoi? D'abord on donne les gagnants et après on en propose. Ouais. On va en offrir 500 d'iPhone ce matin. Avec nous au téléphone, croyez-le ou non, il y a une Liliane. Liliane, comment vas-tu? Très bien, merci. Quel âge as-tu, ma chérie? Alors bonjour à toute l'équipe d'abord. Bonjour. Et je voudrais d'abord remercier Clément qui a trouvé Liliane Bettencourt, parce que ce prénom Liliane, qui est quand même un prénom un petit peu ancien. Je vais très bien, avec merci plaisir beaucoup. J'ai 58 ans. D'accord. Je vous écoute tous les matins. J'ai essayé de dire à tous mes amis, écoutez Virgin Radio, c'est la meilleure radio. Vous êtes vraiment géniaux. C'est un amour. On a vraiment, voilà, grâce à vous, on n'arrête pas d'augmenter. Mais le plus important, c'est ça, les pubs, ce que vous voulez, ça sert à rien. Si l'émission vous plaît, que vous en parlez autour de vous, il y a rien qui nous fait plus plaisir. Merci. Ma Liliane, oui, est-ce que tu peux nous apporter la preuve que t'étais pas une super élève en cours et du coup, ça donne Liliane Bettencourt? Alors, j'étais une bonne élève en cours. Ma réponse est capillotractée ou détournée. Mais j'étais bête en cours parce que j'étais très, très, très menue. Et de ce fait, voilà, je me suis fait un petit peu malmenée, entre guillemets. Ah. Et donc, c'était bête en cours, effectivement. Eh ben, tu sais quoi, c'est accepté, c'est validé. iPhone 6S pour toi, Maïka. C'est Liliane Bettencourt. Merci beaucoup. Mais ça me fait très plaisir, ma Liliane. Et oui, le coucou Clément de Pauline, il faut absolument qu'elle le garde. Et coucou, ça m'a beaucoup de joie de vous entendre, vraiment tous les matins, vraiment. Oui, parce que c'est vrai que Pauline, à chaque fois qu'elle dit bonjour, avec coucou, on dirait une horloge coucou suisse. Mais Clément, maintenant qu'on a trouvé Liliane, on va chercher un Christophe qui a fait du rock en cours. Merci à tous, merci vraiment Camille, merci à toute l'équipe, merci. Liliane, est-ce que tu aurais une copine qui s'appelle Catherine? Parce que ça ferait Catherine et Liliane. Exactement. C'est-à-dire non, que non, mon vrai fils, voilà, mon fils a un petit garçon, sa femme, il s'appelle Catherine. La maman de sa femme, pardon, s'appelle Catherine, et Catherine et Liliane, nous sommes les deux belles-mères. Oh, voilà. C'est génial. Ah, c'est génial. Nous sommes Catherine et Liliane. C'est énorme. Ah, ben, tu sais, on te rajoute ouais le teddy exactement officiel de l'émission. Tu choisiras oui ta taille au standard. Et c'est tu sais gentil quoi, pour Catherine et Liliane, deuxième cadeau pour toi. Merci, c'est très gentil. Bisous très à bon toi, ma belle. Et merci vraiment de nous écouter chaque matin. Ça nous fait très plaisir. Il y a quelqu'un d'autre qui est au standard au 3916. Allô, qui est là? Allô, oui. Salut, quel est ton prénom? Philippe. Alors, Philippe, attention, il faut nous apporter la preuve. Philippe. J'ai envoyé une photo. Qui a une télé Philips? On a la preuve? Oui, on a la preuve, ouais. Et qui sort avec un Maurice, ce serait énorme. quoi. Gips Maurice. Catherine, ça marchait aussi. Je peux faire ça pendant un an. Philippe, t'as bien une télé Philips? Oui. Eh ben, c'est gagné pour toi. iPhone 6S aussi. T'es content? Merci. Oui. Eh bien, les amis. Ce matin, on vous attendait à écouter, donner tout ça. J'avais envie d'avoir ma chance et j'ai eu ma chance. Eh ben, ça nous fait plaisir. Mais rien, vraiment, c'est tout est vrai. Hein. C'est la première personne qui s'inscrit. Et si vous répondez aux critères, vous repartirez avec le cadeau. On en rajoute tout de suite. Okay. Écoutez bien. Parmi tous les critères que vous avez, que vous a dit Laure, je rajoute, vous vous appelez Fabio. Et vous dansez la salsa. Ça donne Fabio Salsa. C'est gagné pour vous, comme le coiffeur. Vous vous appelez Pablo, vous prenez en photo devant une Citroën Picasso, ça donne Pablo Picasso. C'est gagné pour vous. Et vous vous appelez Cerise, vous m'apportez la preuve que vous êtes assuré chez Groupama. Ça donne Cerise de Groupama. Et c'est gagné pour vous, Clément. J'en rajoute un, si vous appelez Karine et que vous avez pris le ferry cette semaine. Mais vraiment cette semaine. Okay. Si vous appelez Jack et que vous sortez avec un Daniel, sinon si vous appelez Louise et que vous êtes en attaque dans n'importe quelle personne, vous attaque. Non, non. Ça marche plus. 8h01, les amis, restez avec nous sur Virgin Radio. Oh là là. Et vraiment, j'adresse un énorme message de soutien au patron de Virgin Radio qui est en train d'écouter cette émission et qui dit, mais où est-ce que ça va finir? Restez avec nous. On est ingérable, mais on est là jusqu'à 9h30. En tout cas, je sais pas si on sera là lundi, mais on est là jusqu'à 9h30. Et s'il y a Chip Louis qui arrive pour le pop rock électro, excellent réveil. Info Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous. Le Finistère, les Côtes d'Armor et le Morbihan en alerte aux pluies et aux inondations. Le mauvais temps est de retour par la façade atlantique. Des averses sur la moitié ouest, de belles éclaircies sur le reste du pays. Un mercure à 22 degrés en moyenne cet après-midi. Pas d'incident hier soir à Paris pour le coup d'envoi des festivités autour de l'Euro 2016. Un immense concert devant plus de 80 000 personnes sur le Champ de Mars au pied de la Tour Eiffel. Ça a dégénéré en revanche à Marseille avec des heurts sur le Vieux-Port entre supporters anglais et jeunes du quartier. Coup de poing, coup de pied, coup de bâton, des interpellations et un Britannique très grièvement blessé. Ce soir, ce sera le véritable coup d'envoi de l'Euro 2016. Du foot pendant un mois jusqu'à la finale du 10 juillet. Les fanzones ouvrent aujourd'hui dans les 10 villes qui accueillent le tournoi. Paris, Bordeaux, Marseille, Lille, Lyon, Saint-Etienne, Toulouse, Saint-Denis et Nice. Cérémonie d'ouverture officielle ce soir à 20h40 au Stade de France où les Bleus affronteront les Roumains à partir de 21h en présence de François Hollande mais aussi de Thierry Henry et des Aimé Jacquet. Platini sera chez lui en Suisse et Zidane en vacances en Inde. Un Euro 2016 qui débute dans un contexte social toujours très tendu. La grève se poursuit à la SNCF. 4 TGV sur 5, 7 TER sur 10. La grève des éboueurs est prolongée à Paris où les poubelles s'entassent sur les trottoirs. Des débrayages attendus également dans l'énergie, sans oublier la grande manif nationale de mardi prochain contre la loi travail. L'euro qui tombe aussi en même temps que le bac, début des épreuves mercredi le 15 juin avec la philosophie. Épreuve écrite de français le 17 juin pour les lycéens de première et puis le 23 juin, début du brevet pour les collégiens de troisième avec les maths et le français. Les députés ont voté cette nuit la réduction de la validité des chèques. Elle passe ainsi de 1 an à 6 mois. Objectif, encourager les Français à délaisser les chèques bancaires et à utiliser d'autres moyens de paiement. Les Français qui font 37 chèques en moyenne par an. Silvio Berlusconi, victime d'une attaque cardiaque ce week-end à Rome. Il a été hospitalisé dans un état grave entre la vie et la mort. À 79 ans, l'ancien chef du gouvernement italien va devoir être opéré du cœur. L'intervention devrait durer 4 heures pour remplacer une valve de l'aorte. Retour au sport avec la finale du championnat de France de basket totalement relancée. L'ASVEL a remporté le match numéro 3, 90 à 69, hier à Villeurbanne face à Strasbourg. L'ASVEL qui tentera donc de prolonger le suspense demain soir dans ce duel très disputé et au meilleur des 5 rencontres. Voilà pour l'actu. Tout de suite, c'est Virgin Tonic avec Camille Combal, Laure, Pauline, Ginger, Nico et Clément. Bon réveil. Virgin Tonic. Je vous souhaite un excellent réveil à tous. 8h04, les amis, qu'est-ce qu'on est heureux d'être avec vous chaque matin. On le répétera jamais assez, vraiment. Merci pour votre fidélité depuis un an et demi, depuis qu'on est là sur Virgin Radio. C'est incroyable tout ce qui nous arrive et c'est uniquement grâce à vous. Il y a Laure, il y a Clément. Oui, bonjour. Il y a Pauline. Coucou. Du Standard. Plein de choses dans l'émission. Alors, on a lancé un hashtag Je m'appelle. Ouais. Si vous répondez aux critères, vous repartez avec un iPhone 6S. On va tout rappeler dans deux secondes, hein, si vous venez juste d'arriver. Ouais. Il suffit que vous répondiez aux critères qu'on vous donne complètement au hasard. Et l'iPhone 6S est pour vous. Par exemple, on a une Liliane qui était pas très bonne en cours. Ça donnait Liliane bête en cours. Et ça a été gagné pour elle. J'en rajoute un tout de suite. Ah, okay. Vas-y. Vous vous appelez Laurent et vous êtes d'origine allemande. Vous êtes allemand. Laurent Dutch. Ah, pas comme mal. L'acteur. Et c'est parti. Et l'iPhone 6S est pour vous. À 9h, les amis, même un petit peu avant, nous aurons un mariage en direct. Ouais. Wow. Génial. On est très heureux. Thomas va demander Caro en mariage à 9h. Caro, on lui a offert des places pour Adèle. C'était il y a 15 jours. Et elle nous a dit, si vous m'offrez les places, mon mec Thomas va me demander en mariage. Ouais. On lui a dit, bah, tu sais quoi, faites-le en direct sur Virgin Radio. Et ce sera là, ce matin. Ne ratez surtout pas ça. Ça va être magnifique. Sia qui arrive dans un instant. Et j'ai aussi un séjour en Guadeloupe à vous offrir. Ouais. Ouais. Génial. Bah oui, on a tiré au sort tous les matins. Et dans un instant, quelqu'un repartira avec un séjour en Guadeloupe d'une valeur de 5 000 euros, hôtel 4 étoiles, tout frais payé. On prend soin de vous chaque jour entre 6h et 9h30. Mais pour le moment, 8h05, c'est la question de ouf. La question de ouf. C'est Clément qui s'occupe de ça. Enfin, il a une bonne idée, Clément. Comme ça, il fait pas grand-chose. Il trouve juste une question tous les jours. On a ouvert un répondeur, 01 84 07 08 09. Et ensuite, on s'éclate juste en réécoutant tous les messages que vous nous laissez chaque jour. Et ce matin, on avait envie de chanter. On vous a demandé de chanter un grand classique. J'adore. On aurait pu faire ça, tiens, si vous appelez Jennifer et que vous habitez au soleil. Ça aurait pu marcher. On le rajoute. Ça marche. Oh, là là. Oh non. Et on vous a demandé de le chanter et ça donne ça. Ce qui ne tue pas me rend fort. On pourrait en venir aux mains. Je suis à celui qui me transporte. Je reste tant que l'on me sépare. Où je reprends seul le chemin. Malgré ce que cela comporte. Avec toi, j'irai bien. Même sans toi, j'irai bien. Ça, au soleil, m'exposer un peu plus au soleil. Quand le cœur n'y est plus brûlé, tout ce que l'on adore réchauffe son corps. Au soleil. Bravo à vous tous les amis. Et je sais pas si par hasard Jennifer nous entend. Ouais. Je voudrais lui dire, je crois que c'est une des artistes que j'aime le plus en France, sincèrement. Et si elle veut venir un matin, même pas en promo ou quoi, juste rigoler un moment avec nous, ça me ferait très très très plaisir. 8h07 les amis, Sia, Cheap Thrills, voilà ce qu'on écoute tout de suite sur Virgin. Excellent réveil à vous. Hi, this is Sia on Virgin Radio. Virgin Tonic. Come on, come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup on. Bye. les bienvenus sur Virgin Radio. Merci d'être avec nous. 8h10 et vendredi 10 juin aujourd'hui. Et oui, c'est toujours un peu plus difficile hein, en fin de semaine d'ouvrir les yeux, de démarrer votre journée. Mais on est là avec vous comme chaque matin, 6h, 9h30 avec Laura. Salut. Avec Clément. Bonjour. Avec la popo du standard. Coucou. Et on sait, merci. Merci à toi. J'ai toujours fait ça. Écoute. Merci. Allez voir les photos hein, sur le Facebook, le Twitter. Toute l'équipe est extrêmement bien habillée ce matin puisqu'on aura un mariage en direct sur Virgin Radio. Énorme. Thomas va demander sa chérie Caro. Ça fait 15 jours qu'on les a passés sur antenne. On a dit venez le faire. Ils ont dit ok. Et c'est ce matin. Ouais, à 9h, on aura donc un mariage sur Virgin. Et puis, je ne sais pas ce qui nous a pris. On vous offre des iPhones en pagaille. Ouais. En pagaille, les amis, des iPhones qui n'étaient pas prévus. Ouais. Le patron de Virgin Radio doit être en train d'ouvrir les yeux à l'heure actuelle. Il va pas être bien. Fredo, qu'on aime tellement. Bah, écoutez, il va falloir mettre du téléphone. On en a déjà offert combien, Laure ? On en a déjà offert 5. On a offert à Jeanne et Serge. On a offert à Madame Michon qui porte une robe fleurie à ça Liliane. Fait fleurie Michon voilà. À Liliane qui était bête en cours, à Pierre qui s'est pris en photo avec un martinet et à Hugo qui s'est pris en photo dans un frigo, bien sûr, puisque à Hugo ça fait Hugo Fray et voilà. Pierre avec un martinet ça fait Pierre Martinet, voilà. Le traiteur intraitable. Quels sont les critères, Laure, auxquels il faut répondre pour gagner un iPhone 6S? Je rappelle, c'est le premier qui nous envoie un message sur Facebook. On lit tous vos messages, Ginger et moi. Ouais. Et voilà, le premier gagnera. Il n'y a pas de triche. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Laure. Ok, si vous appelez Bob et que vous vendez des éponges. Ça fait Bob l'éponge, bien sûr. Si ça, évidemment. Ça s'est écouté en Colombie. Ouais. Si vous êtes électricien, plombier ou vous travaillez chez EDF et vous vous appelez Arthur Martin. Ça fait Arthur Martin Electrolux, bien sûr. Si vous appelez Loïs et que vous avez un pull en laine. Ça fait Loïs Laine. Si vous bossez chez Darty et que vous vous appelez Arthur Martin, ça bosse aussi. Okay, ah. Ça marche. Et je vais vous dire un truc, je rajoute Rachida Dati. Si Rachida Dati nous écoute, elle nous appelle, elle nous met sur Facebook et on lui offre un iPhone 6S à Rachida Dati. Ah, oui, Clément. Petite précision, si vous habitez en Colombie et que vous avez un chat qui râle. Oui, bah parce qu'on avait précisé ce petit détail. Bah, ça fait Shakiral, bien sûr. Oui. La chanteuse. Quoi d'autre, Laure ? Si vous appelez Silver et que vous mangez au Quick, rapport à Quicksilver. Si vous appelez Pauline et que votre numéro de téléphone contient le 3916. Si vous appelez Christophe et que vous faisiez du rock en cours. Si vous appelez Monsieur et Madame Nova et que vous avez une jolie mamie qui s'appelle Mamie Nova. Si vous vous appelez Gérard et que vous habitez en Normandie, Bernard et que vous êtes marié avec Bianca. Si vous appelez Fabio et que vous dansez la salsa. Ça fait Fabio salsa. Si vous appelez Pablo et que vous prenez en photo devant une Citroën Picasso, ou si vous appelez Cerise et que vous êtes assuré par Groupama. Et pour finir, si vous appelez Karine et que vous avez pris le ferry cette semaine. Vous faites quand même n'importe quoi. Ça fait Karine Ferry. Ferry, voilà. On a quelqu'un au téléphone au 3916 qui va encore repartir avec son iPhone 6S. Allô, qui est là ? Salut, c'est Loïse. Loïse, ma chérie, voilà. Si tu es là à l'antenne, si j'ai bien compris, tu t'es pris en photo avec un pull en laine, ça fait Loïse Lane. Tout à fait. Et donc, oui, celle-là. Hein. Ça fait. Droit. Alors, c'est la chérie, bien sûr, de Superman. Ouais. Loïse Lane, eh ben, tu sais quoi ? C'est gagné pour toi. Ouh, iPhone 6S. Yeah. On en parle. T'es content ? Ah, super. Vraiment, c'est extra. Je m'éclate tous les matins avec vous. C'est le rayon de soleil. Et vraiment, merci beaucoup. Quoi. T'es un amour. Et Laure a oublié, je vous rappelle également que si vous vous appelez Black dans votre autre famille, Allo et Black par exemple, et que vous êtes ce matin un peu fatigué, un peu d'équerre, ça fait Black et d'équerre, et ça marche également. C'est important. Oui Clément. T'en veux des nouveaux ou pas ? Propose. Je sais pas si vous êtes Claude et que vous êtes Brasseur. Claude Brasseur, l'acteur. Si vous êtes Léon de Bruxelles. Ça fait Léon de Bruxelles. Et que vous avez de la moule, il faut rajouter. Si vous appelez Brice et que vous êtes avec une Denise, Brice Denise. Ah. Brice Denise, voilà, on prend Brice Denise. Brice Denise, ok. Vous habitez dans le Calvados. Ouais. Vous vous appelez Louis. Dans le Calvados, Louis, ça marche. Pourquoi? Louis la Brocante. Non. Je sais pas. Départ de, le département du Calvados, le 14, Louis XIV. Oh là là, il y a la réflexion. iPhone, on n'en parle plus. Le 6S, pas un iPhone 3 tout pourri, machin. L'iPhone 6S, le tout dernier. Oui, Pauline. Alors, si vous appelez Myriam et que vous vous êtes mariée un dimanche à Bamako. Avec Amadou et Myriam. C'est Mariam. Mariam. Oh, okay. Myriam, on peut ouvrir peut-être. Ok, on accepte. Oui. Elle est impossible celle-là, mais on l'accepte. C'est chaud. Bon, quoi d'autre, Pauline ? Si vous appelez Ali et que vous êtes inscrit sur le site de rencontre Badou, Ali Badou. Ali Badou, animateur sur Canal, on n'accepte pas. Trop compliqué. D'accord. Trop compliqué. Clément. Si vous vous appelez Jean-Jacques, on veut une photo de vous et vous avez du vieux pain sur votre balcon.

Grâce à notre opticien Atoll, nos yeux sont bien protégés. Pour l'été, j'ai choisi des lunettes de soleil Polaroid. Et il m'a proposé une deuxième paire à moitié prix. Parfait pour mon fils. Avec mon super opticien Atoll, même pas peur des rayons du soleil. Même pour des solaires sans correction, confiez votre vue à un professionnel. Les verres polarisants suppriment la réverbération et améliorent les contrastes. Et en ce moment, pour l'achat d'une solaire Polaroid, la deuxième est à moitié prix pour qui vous voulez. Offre jusqu'au 21 juin selon conditions dans les magasins participants. Atoll, mon opticien. Quelqu'un de bien. Paye votre loyer sur Virgin Radio. La météo Virgin Radio. Une France partagée en deux pour aujourd'hui. Toujours beaucoup de soleil sur la moitié est, y compris la région parisienne. Mais le retour des averses et des orages au fil de la journée sur les régions de l'ouest par la façade atlantique. Avec d'ailleurs la pointe bretonne, les trois départements déjà en alerte aux pluies et aux inondations. Vous aurez 15 degrés cet après-midi à Cherbourg, 17 à Brest, 19 à Bordeaux, 21 à Lille, 22 à Senlis et à Chantilly, 23 degrés à Paris, 24 pour Marseille, 26 à Lyon et la maximale 28 du côté de Nîmes et de Montpellier. Très bon réveil. Virgin Radio. Match au 73-200. Nos experts vous disent si vous êtes vraiment compatible. Match. M-A-T-C-H au 73-200. 65 centimes plus prix d'un SMS tel qu'au passe. Tous les dimanches, 20h minuit, préparez-vous pour la reprise avec le live Virgin Radio. Faites le plein de live avec vos artistes Virgin Radio préférés, de découvertes et d'interviews exclusives. Cette semaine. Hi, it's Zara Larsson on Virgin Radio. Zara Larsson. Nick Jonas. Sont les invités de Lionel. Dans le lab, Virgin Radio. Les meilleurs artistes pop, rock, électro sont dans le lab sur Virgin Radio. Kungs au 88 000. Venez danser sur This Girl de Kungs versus Cooking on Three Burners. Envoyez Kungs, K-U-N-G-S au 88 000. Accédez au catalogue et téléchargez This Girl, le carton du moment de Kungs en sonnerie. Kungs au 88 000. Abonnement 3€ par semaine DGP. Desaxé Watches présente le 10e Desaxé World Ride, l'événement international pure glisse à Grenoble. Au programme, une étape de Coupe du Monde de Skateboard Slalom, un master de BMX Dirt, de l'Urban VTT Trial et DJ Live. Les pro-riders internationaux s'affrontent sur le bitume grenoblois les 25 et 26 juin à l'anneau de vitesse Parc Paul Mistral avec une open date le 24 juin soirée. Plus d'infos sur desaxé-worldride.eu. Le 10e Desaxé World Ride est un éco-événement Virgin Radio. Desaxé, la marque pure glisse et MCM. Tous les matins à 8h20, Camille Combal paye votre loyer dans Virgin Panique. C'est vendredi aujourd'hui, fin de semaine. Bon courage à tous, je sais que vous en avez besoin. 6h, 9h30, le Virgin Tonic. Et 6h20, 7h20, 8h20 et 9h20. 4 fois par matinée. Et chaque jour, vous avez rendez-vous avec votre loyer, le loyer remboursé, votre prêt. Bien sûr, si vous êtes propriétaire, ça marche aussi. Loyer au 7 12 13 par SMS pour vous inscrire. On tire au sort toutes les heures. On a eu Marie-Florence à 6h20. Jennifer, il y a une heure. Ouais. Plus de 1000 euros de loyer déjà offert. On espère que ça va continuer comme ça jusqu'à la fin de l'émission. Un garçon, ce serait bien quand même. Ben oui. Allô. Ah ben. Allô. Allô, oui, bonjour. Bonjour, qui est là? Monsieur Payet. Et votre prénom? Christian. Christian, j'ai une question pour vous. Oui. Quelle est la seule radio qui paye votre loyer, Christian? Non. Eh oui. Virgin Radio. Eh oui. Non. Eh ben si, Christian. Eh ben c'est gentil, dis donc. Oui. Eh ben ça me fait plaisir. Et ça tombe à 10 en plus. Un 10, oui, pourquoi? Parce que moi je suis né le 10 janvier, j'ai acheté ma voiture le 10, je me suis marié à 10. C'est génial. J'ai gagné la Virgin Radio à 10. Génial. Eh ben écoute, c'est ton chiffre porte-bonheur. On est très heureux, Christian. Et c'est nous qui te remercions de nous écouter chaque matin. Merci. C'est super sympa, ouais. Ben c'est gentil. Tu fais quoi dans la vie, Cricri? Eh ben, depuis le mois de février, je suis en retraite. Oh, wow, c'est bien. C'est cool. Oui. Et tu bossais dans quoi? J'étais peintre au pistolet à l'époque. D'accord, très bien. Eh ben, mon cri-cri, on va t'envoyer le chèque dans quel coin? À Chouny, à 02300. Dans l'Aisne? Dans l'Aisne, c'est ça. Oui. D'accord, très bien. Eh ben, mon Christian, on est ravis. T'es notre troisième gagnant de la matinée. Parcours sans faute, pour le moment, que des gagnants. Il est de combien ton loyer, cri-cri? Il est de 420 euros par mois. Eh ben très bien, mais je suis très heureux de te faire le chèque. C'est ta femme qu'on a entendu derrière? Oui, c'est ma femme qui a été contente. Eh ben elle a l'air heureuse aussi. Merci, elle s'appelle comment? Cécile. Eh ben Cécile et Cricri, on vous embrasse très fort. Merci à tous les deux. Eh ben, c'est moi qui vous remercie beaucoup et continuez comme ça, c'est bien. Eh ben, t'es un amour, mon Christian. On est là chaque matin et merci surtout à vous d'être avec nous. 8h24. On écoute tout de suite du pop rock électro. Ah, c'est pas moi qui vais vous dire ce que c'est. Non, c'est Martin, 6 ans. Tout de suite, on écoute Justin Timberlake dans une pièce tonique. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, lock the way we rock it. So don't stop. And under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving, so, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance. Yeah. Oh. Yeah. I can't stop the. I can't stop the. I can't stop the. I can't stop the. I can't stop the. I can see but you when you dance, dance, dance. Feel creeping up on you, so just dance, dance, dance. All those things I shouldn't do, but you dance. So keep dancing. Everybody say, excellent réveil à vous tous, bienvenue sur Virgin Radio. Merci de nous avoir choisis, j'espère que tout va bien pour vous. À 8h30, la matinée a commencé depuis bien longtemps. Vous êtes peut-être en voiture, peut-être déjà arrivé au travail, très nombreux en train de déposer les enfants à l'école. En tout cas, nous on prend soin de vous, 6h, 9h30, avec toute l'équipe qui est là, bien oui, sûr. Oui. Dans un instant, un point sur l'actu. Puis à 8h35, comme chaque matin, ce sera un nouveau Réponse à tout de Clément Lincrus qui va arriver. Mais avant, on est en plein euro. Oui. Et alors là, on a un chiffre génial. Alors, tous les jours, Kia va nous apporter une news complètement dingue, inattendue sur le foot et sur les supporters. Et là, je vais vous donner un chiffre. Mm-hmm. Il va falloir deviner ce que c'est. Ok. Ouais. 11% des supporters l'ont déjà fait après un match. D'après vous, on le fait version question pour un champion. Ça buzz du côté de Clément Lincruste. Pleurer. Vous me dites, Clément ? Pleurer. C'est une excellente réponse. Ah ouais ? Ouais, bon. Oh. Et pourquoi je mets la mauvaise réponse ? Parce qu'il est habitué. Clément, il prépare. Notre réalisateur Romain, il prépare même pas la bonne réponse pour Clément. Non, c'est bon. Il écoute même pas. Il fait non, ce sera pas ça. De toute façon, dès que la personne parle, il est à côté de la plaque. De toute façon, je peux pas le blairer. Ok, c'est parti. Donc, je rêve d'avoir sa place. Donc, je ne foutrai jamais à l'honneur sur cette radio. Et bien, c'est ça, Clément. T'as raison. 11% des supporters, après une défaite de leur équipe, ont déjà pleuré. Ça m'est arrivé. Je vous dis, ça m'est arrivé vraiment. Ouais, vrai. Plusieurs fois même, Clément. Moi, j'ai des potes qui supportent le PSG, ils pleurent avant quand ils achètent les billets en fait. Très très cher. Oui, mais bon, il y a beaucoup de victoires quand même. Nico du bureau. Sur des petits matchs, non, mais par exemple, si on se rappelle tous de la finale France-Italie, où avec le coup de boule de Zidane, effectivement, là, on a perdu en finale. C'est vrai que c'était. Et bah là, j'ai pleuré, moi. T'as pleuré devant un match, j'ai pas supporté le coup de boule en fait. Ah, c'est le coup de boule, j'ai cassé. Ah, puis la pub au milieu aussi pour les chats, là, elle était tellement mignonne que j'ai pleuré à la pub. Oui, Pauline du standard. Ben, moi, en 98, j'ai pleuré parce que mon père, il a crié tellement fort qu'il m'a fait peur, j'ai pleuré. Donc, toi, quand on gagne, tu perds. Tu pleures. Mais non, mais il a hurlé, il m'a fait hyper peur, il a tapé sur la table, il est devenu fou. Mais t'avais quel âge en 98? Ah, j'étais mini-mini. Hein. Mais ça donne pas l'âge? Ouais, je sais pas, j'ai. 10 ans, t'avais. Ah, faut compter. Ouais, j'ai 27. T'arrives pas vraiment à prendre ta date de naissance et à monter jusqu'à 98. Vraiment. Moi, j'ai fait un bac L. Il y a des raisons, tu vois. Non, mais là, il y a vraiment des lacunes quand même. Non, mais je peux, mais il faut que je calcule et je déteste. Donne-nous ta date de naissance. Ouais. Ben 1988. 88, et ben en 98, j'avais 6 ans. Oh là là, quand même. Oh, mais c'est ça va. Oh, c'est pas possible. Elle me sort 88. Il y a 10 ans à rajouter. Mais c'est une catastrophe, celle-ci. Oui, Clément. Non, mais elle a fait un bac L. Peut-être qu'elle peut nous épeler son prénom. Ne soyez pas méprisants. Moi aussi, j'ai fait un bac L et c'est un très bon bac. Oui, mais c'était en 18. Mais t'as vu comme ils sont avec gratos, quoi. Ils sont horribles. De 88 à 98, bon, elle n'arrive pas à faire le calcul. Mais non, mais je stresse avant. Tu sais ce que c'est, quand tu stresses, tu te trompes. Je veux plus me tromper. C'est horrible. C'est une catastrophe. Et vous pouvez la joindre au 3916. Je vous avoue que si vous êtes prof de maths, on va peut-être vous mettre en priorité ce matin pour les cadeaux. J'ai un séjour en Guadeloupe à vous offrir. Valeur 5000 euros. On en reparle dans quelques instants. Restez avec nous sur Virgin Radio. Koongz, This Girl, voilà ce qui arrive pour le pop rock électro aussi. Juste un point sur l'actu, on revient. Les infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Et bonjour à tous. Le retour de la pluie et des orages aujourd'hui sur toute la moitié ouest du pays. Le Finistère, les Côtes d'Armor et le Morbihan sont en alerte aux pluies et aux inondations. À l'avant, ce sera encore bien ensoleillé toute la journée. 23 degrés cet après-midi à Paris, 24 à Marseille, 27 à Nîmes. Le rideau se lève enfin sur l'Euro de football. Fin du compte à rebours pour tous les fans du ballon rond. La compète démarre ce soir avec France-Roumanie à 21h au Stade de France. 24 équipes en lice. Les Bleus qui jouent à la maison espèrent décrocher un nouveau titre européen le 10 juillet après leur victoire en 84 et 2000. Côté sécurité, gros dispositif, 90 000 policiers, gendarmes, pompiers, militaires et secouristes mobilisés dans les 10 villes qui vont accueillir les matchs. Le DJ David Guetta a donné hier soir le coup d'envoi des festivités, un grand concert au pied de la Tour Eiffel, pas d'incident. En revanche, la situation a complètement dégénéré hier soir à Marseille. Pendant l'Euro, les grèves continuent, les poubelles s'entassent sur les trottoirs parisiens et le site de traitement des déchets est aussi bloqué à Fos-sur-Mer près de Marseille ainsi que dans le sud-ouest. La grève, encore et toujours à la SNCF, un trafic ce vendredi de 4 TGV sur 5 et 7 TER sur 10, et plus de 20 à 30% de vols annulés demain pour faire face à la grève des pilotes d'Air France. Le Truvada va pouvoir être prescrit dans les centres de dépistage du sida. Le décret est paru ce matin au journal officiel. La ministre Marisol Touraine rappelle toutefois que le préservatif reste le moyen de prévention prioritaire contre le virus, efficace dans 99% des cas. Dans l'actu musique, la sortie aujourd'hui de la compile qui va vous accompagner pendant tout l'été, Virgin Radio Summer Pop 2016. 57 titres au total, en CD ou en téléchargement, avec Sia, Flume, Coldplay, Luan, Justin Bieber, The Hamner, Synapson ou encore David Guetta, justement l'ambassadeur musical de 7 euros. Virgin Radio Summer Pop 2016, une compile dispo donc dès ce matin et a gagné également toutes les 10 minutes ce week-end sur Virgin Radio. En tennis, Rafael Nadal contraint de zapper Wimbledon. L'Espagnol souffre toujours d'une inflammation du poignet gauche qu'il avait déjà forcé à abandonner Roland Garros. Wimbledon débute le 27 juin. Le Grand Prix de Formule 1 du Canada ce week-end sur le circuit Gilles Villeneuve au beau milieu du Saint-Laurent. Les essais libres aujourd'hui, les qualifs demain et la course dimanche à 20h. Et puis côté rugby, le Racing 92 et Toulouse qui dévoileront aujourd'hui leur composition. 92 et Toulouse qui dévoileront aujourd'hui leur composition. Le vainqueur jouera la demi-finale à Rennes vendredi prochain contre Clermont. L'autre barrage se disputera dimanche entre Montpellier et Castres pour rejoindre Toulon dans le dernier carré. La finale, ce sera le 24 juin à Barcelone. Voilà pour l'actu. Tout de suite, c'est Virgin Phonic. Bon réveil. Il est à vous tous, vous êtes en direct sur Virgin Radio, 8h34, Laure, Clément, yes, Pauline sont là, bien sûr, courage à vous qui êtes déjà au travail, d'autres sont encore en voiture, dans les transports, on pense très fort à vous et on prend soin de vous, entre 6h et 9h30, avec un séjour en Guadeloupe à vous offrir. Dans un instant, appelez-nous au 3916, vous serez la dernière personne à être sélectionnée et tirage au sort en fin d'émission, les amis. L'un d'entre vous repartira avec ce séjour exceptionnel d'une valeur de 5000 euros. Et puis alors attention, ils viennent d'arriver dans le studio. Thomas et Caro, deux auditeurs à nous qu'on aime beaucoup, qui ont gagné leur place pour Adèle et qui nous ont dit, attention, si on gagne les places pour Adèle, bah, Thomas fera sa demande de mariage. On a dit, comment vous pouvez le prouver? Ils ont dit, on viendra la faire en direct sur Virgin Radio. Ils sont là tous les deux. Ce sera d'ici la fin de l'émission, donc un mariage en direct sur Virgin. Restez avec nous. 8h34, Kungs, This Girl qui arrive pour le pop rock électro. Mais avant tout ça, Clément Lincrus qui s'impatiente. Il me fait les gros yeux pour me dire c'est l'heure de mon réponse à toi. Bah oui. Vas-y, mon grand. Eh ben, on fait pas attendre les enfants. Tonique. Réponse à tout. Ah, c'est tout pour lui, l'incruste, hein. Oh là là là là, il a son réponse à tout, il pense plus qu'à ça. Il tient la couverture. À partir de 8h20, il trépigne. Mon réponse à tout, quand est-ce qu'il arrive? On va faire rire les gens. Et ben, on t'écoute, mon grand. Eh ben, j'ai demandé aux enfants si Pou, il. Je vais pas. J'ai demandé aux gens à quelle heure je suis rentré hier soir. Non, c'est pas vrai. J'ai demandé aux enfants s'ils pouvaient faire un tatouage, ce serait lequel? Je crois que c'est le pire lancement qu'on ait jamais eu. C'est clair, ouais. Vraiment, je suis très heureux. On en a eu des nuls, hein, Clément. Ah ouais, mais alors ouais. Celui-là, je crois que c'est vraiment le pire. En deux ans, c'est le pire de tous. C'est parti. Je ne voudrais jamais me faire de tatouage. Je ferais juste une toute petite étoile sur l'épaule. Pas plus. Sincèrement, j'aurais pas de tatouage. Non, c'est pas ça, mais c'est que c'est pas beau. C'est un point méga giga hyper méga ultra microscopique. T'aimes pas les tatouages, toi? Voilà. Moi, je ferais un cœur avec le nom de mes enfants et un bracelet fin sur la cheville. T'as des enfants? Non, mais quand je serai plus grande. Moi, ce serait un grand dragon bleu dans le dos, parce que j'aime bien le bleu. Moi, j'aimerais avoir un tatouage aussi avec un arc-en-ciel. Moi, ce serait comme le vaisseau dans Star Wars. J'aimerais avoir deux tatouages. Un tatouage avec un petit chaton et un tatouage qui me donnerait des super méga pouvoirs magiques. Bon, bah moi, ce serait des militaires, des trucs, le sang, voilà, le truc... Je réponds, mon cher copain, je trouve que des militaires, c'est pas vraiment une bonne idée. Le réponse à tout. Passons la réponse à tout. Merci de jouer le jeu chaque matin, les enfants. 8h36, Kungs, This Girl est dans un instant un séjour en Guadeloupe d'une valeur de 5000 euros. On saura enfin qui va gagner entre Aurélien qui a été tiré au sort lundi et Céline mardi. Restez avec nous. Salut, c'est Kungs dans Virgin Tonic. Got him. merci d'avoir choisi le Virgin Tonic pour vous réveiller chaque matin. Virgin Tonic. Et oui, on est là 6h-9h30 avec l'équipe, bien sûr. Oui, oui, oui. Oh, et qu'elle est moelleuse cette équipe, évidemment. Elle est moelleuse. Oh là là là là, elle est moelleuse comme tout. Oui, on a envie de les tartiner de confiote. Tellement on les aime. Les amis, soyez les bienvenus sur Virgin. Dans un instant, le pop rock électro de Maroon 5. À l'ancienne, j'avais envie de vous mettre ça, This Love de Maroon 5. J'espère que ça vous fera plaisir, ça arrive dans un instant. Mais pour le moment, il est temps d'en découdre. Il est temps de savoir enfin qui est le gagnant depuis lundi. Je vous ai dit que je vous offrais un très très beau séjour en Guadeloupe. Tous les jours, on a fait un jeu. Alors lundi, Aurélien a été tiré au sort. Il est de retour, Aurélien. Salut mon poteau. Ouais, salut les copains. Salut. Salut, salut Aurélien. Mardi, c'est Céline qui a été tirée au sort. Salut Céline. Salut Camille, salut tout le monde. Salut. Vous avez déjà tous les deux gagné un très très beau cadeau et un des deux va repartir avec le séjour. Qu'est-ce que vous avez gagné déjà ? Une GoPro. Une GoPro. Mais oui. Oh là là là là là là. Une GoPro déjà de gagné. Alors mercredi, on avait une spéciale enfant, c'était le Kids Tonic. Allez la retrouver en podcast. Mmh. Cette émission est incroyable, donc on n'a pas fait le jeu. Et hier, bim, perdant. Ouais. Mmh. Mais elle a eu la GoPro. Mais elle a eu la GoPro quand même. Ce qui veut dire que vous êtes que deux. Ce matin, à vous départager pour ce séjour en Guadeloupe, et on a décidé de laisser le hasard en dehors de ça. Ce sera le meilleur des deux. Au petit bac, vous vous rappelez quand on joue au petit bac, on mettait une lettre, fallait trouver plein de choses. Et ben, on va le refaire tout de suite en direct. C'est le ABC Game. ABC, c'est l'heure du jeu super qui est l'ABC Game. Le principe, est extrêmement simple. On fait tourner une roue. La roue s'arrête sur une lettre. Et après, je vous pose des questions pendant 30 secondes et toutes vos réponses doivent commencer par la lettre susnommée. Et vous pouvez passer à n'importe quel moment. C'est bien compris tous les deux ? C'est compris. Ok, ouais. Bien sûr. Aurélien, Céline, comme on est extrêmement galant, on va commencer avec Aurélien, bien sûr. Salut Aurélien. Aurélien, mon bichon, une GoPro déjà et peut-être le séjour en Guadeloupe. On fait tourner la roue ? Allez, c'est parti, ouais. Bonne chance à toi, c'est parti. La lettre T comme tout est KO à côté. On plaisante, on le fait souvent ce jeu, mais quand même, là il y a un cadeau de 5000 euros à la clé. Aurélien, 30 secondes, que des réponses avec la lettre T. Tu passes quand tu veux. Top chrono. Cite-moi un sportif. Teddy Riner. Très bien. Un truc qu'on trouve au supermarché. Un taille-haie. Ok, je l'accepte. Au supermarché. Un prénom ancien. Théodore. J'accepte. Une partie de la maison. La toiture. La toiture, très bien. Un personnage historique mort avant l'année 2000. Je passe. On passe. Une partie du corps. Oh là là là là. À tour et temps. Sur le gong, je l'acceptais. Il y avait tibia, il y avait tête. Un personnage historique mort avant l'an 2000. Il y avait Toutankhamon. Il y avait Trotsky. Bien sûr. Et n'oubliez pas que Trotsky tue le ski. Un adage qui se dit énormément en montagne. Ça, c'est... Je vous dis là vraiment, moi qui ai grandi en montagne, je peux vous dire que c'est vraiment un adage extrêmement important. On a combien de bonnes réponses, Laure ? Quatre. Quatre bonnes réponses. C'est un bon score, Aurélien. Ouais. Ouais, je sais pas, ouais. On va voir tout de suite si c'est toi qui pars en Guadeloupe, puisque maintenant 30 secondes pour Céline, c'est comme le petit bac. On fait tourner la roue qui s'arrête sur une lettre ? Ok. Allez, ma Céline, bonne chance. La lettre E, comme E. Voilà. Pas inspiré, ça arrive. Ma Céline, c'est parti, que des réponses avec la lettre E, bonne chance. Ok. Top chrono. Cite-moi une plante. Passe. On passe. Cite-moi un truc qu'on trouve à l'école. Pardon ? Un truc qu'on trouve à l'école. Une équerre. Une équerre, très bien. Un acteur français. Passe. On passe. Un métier. Un métier ? Oui. Éboueur. Éboueur, très bien. Une marque. Une marque. Je sais pas, passe. On passe. Un métal. J'ai perdu. Aïe. Ouais, j'étais trop paniquée. Le métal, il y avait l'étain, un métier élagueur, esthéticienne, étudiant, on accepte, étudiant. Oui. Un acteur français, il y avait Fabrice Eboué, Vincent Elbaz, Pascal Elbé, et une plante, on avait L'églantier, l'or en plante. Oui, l'érable. L'érable, bien sûr, on a accepté Clément. Édouard Baird. Édouard Baird en plante, évidemment. Il faut que je mette une bouture sur ton Édouard Baird. Alors, on va 4 points pour Aurélien qui a joué en premier. L'or, combien de points pour notre petite Céline? Et 2 seulement, malheureusement. 2 seulement. Céline, t'as déjà gagné une GoPro, mais tu l'as compris. C'est Aurélien qui gagne le séjour. Alors Aurélien, t'es très très très gâté, j'espère que ça te fait plaisir. Oh là là, c'est génial, oh là là, merci beaucoup, oh, c'est super. Ah, on en parle depuis lundi et franchement, dans n'importe quelle radio, hein, c'est quand même très rare d'offrir des si beaux cadeaux d'une valeur pareille dans les 5000 euros. Tu gagnes le voyage en Guadeloupe, séjour d'une semaine pour deux personnes, avec restauration, billets aller-retour heureusement, hébergement compris grâce à Corsair et la Créole Beach Hotel and Spa. C'est quand même un 4 étoiles, mon poteau. Tu vas te régaler, mec. Tu pars avec qui? Mon ami. Mon ami Bouli. Il s'appelle comment ton ami? Ton ami Claire. Claire, et ben voilà, Aurélien et Claire, on vous fait ce très très beau cadeau à tous les deux. Et Céline, je t'embrasse très fort aussi. Moi aussi. Et merci à toi ma belle d'avoir participé avec nous. Les amis, vous êtes en direct sur Virgin Radio, 8h46. Belle matinée à vous tous. Les Maroon 5 tout de suite, This Love, bon réveil. Virgin Tonic. So high, I did not recognize the fire burning in her eyes, the chaos that controlled my mind. Whispered goodbye, she got on a plane, never to return again, always in my heart. Tried my best to feed her appetite, keep her coming every night, so hard to keep her satisfied. Oh, kept playing love like it was just a game, pretending to feel the same, turn around and leave again. And

act natural around you. I know I'm not supposed to think you're thirsty, Rose. Yeah, I know, I know, I know, I know. Oh, oh, oh. So we both sing what we both know. And when the song is over, we go home. I know I'm not supposed to think about you. I know, act natural around you. I know I'm not supposed to think you're thirsty, Rose. Yeah, I know, I know, I know, I know. Oh, oh, oh. Merci de nous avoir choisi, les amis, le Virgin Tonic avec vous bien sûr et à vos côtés chaque matin du lundi au vendredi 6h-9h30 et même demain hein, en best-of de 6h-9h, sachez-le, on vous lâchera pas les copains. Un loyer à 8h20 à gagner, à 9h20 excusez-moi, à gagner, et puis dans quelques minutes à peine, deux auditeurs qu'on aime beaucoup, qu'on a eu au téléphone, qui ont gagné leur place pour Adèle il y a de ça 10 jours, Thomas et Caro vont faire leur demande en mariage en direct sur Virgin Radio. On leur a préparé une belle surprise. Restez avec nous, c'est dans quelques minutes à peine. Il y aura aussi un point sur l'actu, bien sûr, à 9h. L'équipe est là, bien sûr. Oui. On vous a offert pléthore d'iPhone 6S ah ouais, ce matin. 6. C'était pas prévu. Oh là là, faites venir Fredo, le patron. Oh là là, faites venir Fredo. J'avais je l'adore. Plein d'idées. On a quand même, il faut le dire, hein, on a le patron le plus gentil du monde. Ah hein, ouais. Il rentre dans tous nos délires, cool. Il est tout le temps là avec nous. Oh là là là là. Comment tu vas, mon Fredo? Eh ben, et toi, mon Cam? On a offert combien de téléphones ce matin? On en a offert 6. Alors, je vous jure. Apple Store, les gars. Comment? Vous êtes prêts pour Apple Store? je vous jure, c'est vrai, rien n'était prévu. Ouais. On est parti là-dedans, on a donné plein de critères, vous répondez à ce critère-là. Vous vous inscrivez sur Facebook, le premier, celui qui est le plus rapide, repart avec son iPhone 6S. Combien tu m'as dit, Laure? 6 iPhones. Vous dites? 6 iPhones, monsieur. On va pas s'arrêter là. Mon Fredo, je suis désolé. C'était pas prévu, mais il y a plein de réactions. On a lancé un hashtag, je m'appelle. Vous aussi, proposez les noms, les circonstances qui peuvent vous faire gagner un iPhone. Alors, je rappelle toutes les choses qui sont justes. C'est-à-dire que Fredo, mon bichon, si des gens correspondent à ce critère, bim, c'est gagné pour eux. Ça veut dire qu'il y a autant de critères que d'iPhone en jeu. Et je suis désolé. Tu veux couper la fibre ou pas? Alors, on rappelle les critères à Fredo. Alors, vous vous appelez Bob et vous vendez des éponges. C'est pas Bob simple. Éponge. Vous nous écoutez en Colombie et vous avez un chat qui râle. Vous vous appelez Arthur Martin et vous travaillez chez EDF, Darty, vous êtes électricien ou plombier. Vous vous appelez Siver et vous mangez chez Quick. Vous appelez Pauline et votre numéro de téléphone contient les chiffres 3916. Vous vous appelez Christophe et en cours, vous faisiez du rock. Christophe Rock en cours. Christophe Rock en cours, bien sûr. Si vous avez une mamie et que vous êtes monsieur et madame Nova, mamie Nova, si vous appelez Gérard et que vous habitez en Normandie, si vous appelez Bernard et que vous êtes marié avec Bianca, si vous appelez Fabio et que vous dansez la salsa, si vous appelez Pablo devant une Citroën Picasso, vous prenez en photo, Pablo ça Picasso, marche. Ça marche. Cerise, si vous êtes assuré chez Groupama. Karine, si vous avez pris le ferry cette semaine. Ça fait Karine Ferry. Et je rappelle, on vérifie vraiment, hein, on ne fait pas gagner n'importe qui. Il faut qu'on ait la preuve. Hein, alors. Oui. Et je rappelle également, parce que tu l'as oublié, on veut également faire gagner Rachida Dati. Attends, ouais, j'ai pas terminé. Si elle nous écoute, Rachida Dati, elle nous appelle, elle a un iPhone 6S. Voilà. Celle-ci. Si vous appelez Léon, vous habitez à Bruxelles. Si vous appelez Brice et que vous êtes marié avec Denise. Brice Denise. Si vous appelez Louis et que vous êtes du Calvados, le 14, Louis 14. Louis 14, bien sûr. Si vous appelez Jackie, que vous êtes marié avec Michel. Et si vous appelez Black et que vous êtes ce matin Decker. Ça fait blaquer des cœurs, bien sûr. Clément, est-ce que je peux en rajouter deux? On en rajoute deux. Si vous vous appelez et là, Ben, on a du monde au 3916, on va vous offrir l'iPhone. Oh, dis-moi, Clément. Si vous appelez Ben et que vous avez un oncle sous. Ben l'oncle sous. Ben l'oncle sous. Ça marche. Je prends. Et si vous avez changé de sexe, que vous êtes un homme, mais que votre ancien prénom c'était Sophie, vous êtes donc une Sophie d'avant. Fredo, est-ce que tu veux rajouter un critère? Non, elle s'arrête à quelle heure l'émission? 9h30 et il y a un mariage. Rassure-toi, et aussi un dernier loyer. Oui, ma Pauline. On a oublié Guillaume Lariche, comme notre journaliste. Exactement. Guillaume, comme notre journaliste. Vous êtes Guillaume, vous êtes marié à une femme très riche. Ça donne voilà. Guillaume Lariche, bien sûr. Ma Ginger, il y a plein de gens qui nous proposent des choses et ça va rentrer dans les critères aussi. Je t'écoute. Ah ouais? Alors, on a un Romain qui pose avec du riz. Ça fait Romain Duris. Par exemple, on a aussi. Mais c'est-à-dire du riz. Oui, voilà, il pose avec du riz et il demande si ça marche. Ça fait Romain Duris. Ok, comme voilà, le comédien. Okay. On a aussi, je m'appelle Lily et j'ai une bonne haleine. Ça fait Lily Allen. Ah, énorme. Ça marche avec la mauvaise haleine. Bien sûr, vous avez même une clé haleine, ça marche aussi. Lily Allen. Je suis belle et je sors avec un Sébastien. Belle et Belle et Sébastien. Ok, ça marche. Je m'appelle Benjamin et j'ai un bouton. Benjamin Button. Ah. Ok. Je m'appelle Evan et je fais de l'essence et il pose avec une station. Evan essence. Ah, c'est trop. Et vous êtes très très drôle. Quand je dis qu'on a les meilleurs auditeurs de France, c'est vrai. Il y a aussi quelqu'un qui dit ma fille s'appelle Célia et je l'ai conçue dans un village. C'est la fête au village. Oh. Alors ils sont très très forts. Ça devient n'importe quoi. Oui, Nico du bureau. On pourrait peut-être avoir une Élodie qui a des enfants qui pleurent. Une Élodie qui a des gosses qui font ouin. Une Élodie gossouin. Il va loin. Nico, c'est pas possible. Ah ouais. Ah ouais, non, c'est rire et chanson. Tu retournes sur rire et chanson. Avec plaisir. Je pense qu'il m'accueille avec plaisir. Il y a aussi beaucoup de Vanessa qui nous disent qu'elles sont très heureuses cette semaine parce qu'elles se marient, donc c'est Vanessa Paradis. Ah, Vanessa Paradis. Voilà. Et je rajoute, en hommage à Fredo, notre patron qu'on aime tant, vous vous appelez Frédéric, donc Fredo, c'est le patron de Virgin Radio, et vous êtes vierge. Oui. Je sais pas comment on va vérifier ça. Ah, là, c'est chaud. On sent un Frédéric, genre. Vierge. Pourquoi? Ouais. Ben pour Virgin Radio. Oui. Ah, on offre un iPhone 6S aussi. Clément. Si vous appelez Cécile, que vous conduisez un minibus. On en est. Ok. On en est. Juste... Oui, Est-ce qu'un Frédéric vierge comme le signe astro, ça marche? Non, ça marche pas. Ah d'accord. Ah, non, à moins qu'il soit ascendant mobilette. Et là, je l'accepte. Oui, Pauline. Frédéric vierge qui habite à Pau, parce que c'est Fredo Pau. Fredo Pau, merci. Va sur les régions. Vous serez bien tous les deux. Il y a plein de choses à faire, je vous jure. Il y a un vrai chantier. Allez-y, je vous jure, c'est un beau défi à relever. Relevez-le ensemble, main dans la main. Vous êtes capables de super belles choses tous les deux. Mais loin d'ici. Oui, ouais, merci à toi. Oui, Clément. Et il y a un truc que je rêve de trouver dans ma vie, c'est un Jean-Claude de moins de 10 ans. Ça doit forcément exister. Il y en a forcément un. Jean-Claude, à table. Vous vous appelez Gilles. Et vous habitez pas loin de Dez, Verdez à peu près. Vous avez Gilles Verdez. Verdez, hein, pas la ville d'Ez. Ouais. Pas loin, c'est gagné pour vous. Oui, Ginger. On a aussi un Didier qui va nous envoyer une photo et il pose au milieu des champs. Ça fait Didier Deschamps. Ça va. Il est magnifique. Vous habitez Toulouse. Vous vous appelez Richard et vous sortez avec Ginger. Ben en gros, le mec de Ginger peut nous appeler maintenant. Il repart avec un iPhone 6S, mais il aura droit à un énorme interrogatoire. Sachez-le, mais s'il veut un iPhone, il nous appelle maintenant, mais il aura droit à l'interrogatoire. C'est bon. Un Damien de la ville d'Amiens. Un Damien. Oh, ça fait Damien comme c'est iPhone. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, on lui en offre deux du coup. Vous êtes le groupe iPhone. On vous offre un Damien. On vous offre un Samsung Galaxy. N'importe quoi. Tu t'égares. Ah là, ça y est. Je cherche quelqu'un pour la matinale du Rire et Chanson, ça t'intéresse pas? Allez, il est 9h03, tout de suite, Coluche. On va les offrir. Vous répondez à ces critères, on les offre. Je vous jure. Et Fredo, notre patron, il s'est engagé ce matin. J'ai envoyé un texto, je dis on est en train de faire n'importe quoi. Il m'a dit allez-y, ça me fait plaisir. Voilà. Non, en vrai, c'est vrai, Fredo, c'est vrai. Bah, tu m'as demandé comment je m'habillais aujourd'hui. Oui, ok, bon. Quand on lui a dit on est en train de faire n'importe quoi, sa première réponse a été comme d'hab. Les amis, restent avec nous. Un mariage en direct. Des iPhone 6S à gagner ce matin aussi, bien sûr. Vous êtes en 6ème S. Vous êtes en 6ème S. C'est gagné pour vous. Dans un instant, le pop rock électro de Calvin Harris. Vous êtes en train de manger du pain Harris. C'est gagné pour vous aussi. Restez avec nous sur Virgin Radio. C'est vendredi. On est tellement heureux d'être à vos côtés. Pop rock électro. Les infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous. Le Finistère, les Côtes d'Armor et le Morbihan placés en alerte aux pluies et aux inondations. Le mauvais temps est de retour par la façade atlantique. Des averses sur la moitié ouest et de belles éclaircies sur le reste du pays. À Mercure, 22 degrés en moyenne cet après-midi. Pas d'incident hier soir à Paris pour le coup d'envoi des festivités autour de l'Euro 2016. Un immense concert devant plus de 80 000 personnes sur le Champ de Mars au pied de la Tour Eiffel. Ça a complètement dégénéré en revanche à Marseille avec des violents heurts sur le Vieux Port entre supporters anglais et jeunes du quartier. Coup de poing, coup de pied, coup de bâton, des interpellations. Il y a un Britannique très grièvement blessé, un Français et un Anglais sont actuellement en garde à vue. Ce soir, ce sera le véritable coup d'envoi de l'Euro 2016, du foot pendant un mois jusqu'à la finale du 10 juillet. Les fanzones ouvrent aujourd'hui dans les 10 villes qui accueillent le tournoi. Paris, Bordeaux, Marseille, Lille, Lyon, Saint-Etienne, Toulouse, Saint-Denis et Nice. Cérémonie d'ouverture officielle ce soir à 20h40 au Stade de France où les Bleus affronteront les Roumains à partir de 21h en présence de François Hollande mais aussi de Thierry Henry et d'Aimé Jacquet. Platini, lui, sera chez lui en Suisse et Zidane en vacances en Inde. Un Euro 2016 qui débute dans un contexte social toujours très tendu. La grève se poursuit à la SNCF. 4 TGV sur 5 et 7 TER sur 10. La grève des éboueurs est prolongée à Paris où les poubelles s'entassent sur les trottoirs. Des débrayages attendus également dans l'énergie sans oublier la grande manif nationale de mardi contre la loi travail. L'euro qui tombe aussi en même temps que le bac. Début des épreuves mercredi le 15 juin avec la philosophie. Épreuve écrite de français le 17 juin pour les lycéens de première et puis le 23 juin, début du brevet pour les collégiens de 3e avec le maths, les maths et le français. Les députés ont voté cette nuit la réduction de la validité des chèques. Elle passe ainsi de 1 an à 6 mois seulement. Objectif, encourager les Français à délaisser les chèques bancaires et utiliser d'autres moyens de paiement. Les Français qui font 37 chèques encore par an en moyenne. En sport, la finale du championnat de France de basket relancée. L'ASVEL a remporté le match numéro 3, 90 à 69 hier à Villeurbanne face à Strasbourg. L'ASVEL qui tentera de prolonger le suspense demain soir dans ce duel au meilleur des 5 rencontres de la Formule 1 ce week-end. Le Grand Prix du Canada dans la belle ville de Montréal avec les essais libres dès cet après-midi, les qualifs demain soir et la course dimanche à partir de 20h. Après 6 Grands Prix, c'est l'Allemand Nico Rosberg qui domine le classement mondial des pilotes. Voilà pour l'actu, tout de suite c'est Virgin Tonic avec Camille Combal. Très bon réveil, belle journée. Tous on est en direct sur Virgin Radio chaque matin bien sûr 6h-9h30. Un énorme bonheur d'être avec vous, merci de nous avoir choisis. Et là vraiment c'est l'événement dans le Virgin Tonic puisque nous allons marier un couple d'auditeurs. Un couple d'éditeurs qu'on a eu à l'antenne il y a de ça quelques jours. On leur a offert des places pour Adèle. Alors il faut tout dire, hein. Caro s'était inscrite au 39-16. Elle a perdu le jeu. Oui. Et elle nous a dit, les amis, vraiment, mon chéri Thomas m'a dit que si je gagnais ce matin les places pour Adèle, il me ferait sa demande à Paris quand on montera pour le concert. C'est ce soir le concert. Oui. Ils vont y aller, bien sûr, invités par Virgin Radio. Et on lui a dit, bah, tu sais quoi, à ce moment-là, vous venez et vous vous mariez en direct pour nous prouver que c'est vrai. Vous faites votre demande en direct. Et Caro nous a dit vendu. Et ils sont là ce matin. Caro et Thomas, je vous explique, on est dans la cour là de Virgin Radio. On a complètement redécoré. Les images sont à retrouver sur Facebook. Magnifique. Bien sûr, allez-y. On est en live streaming. Vous verrez toute l'équipe. C'est vraiment un mariage à l'américaine. On a la pelouse, on a tout décoré, on a monté une tenture. Un hôtel. Un comment ? L'hôtel. Un hôtel. Ouais. Exactement, exactement. Un hôtel Ibis. Ouais, j'allais dire. Même un étape hôtel, hein, quand même. Il y a des roses sur le sol. Voilà, ça va être la première demande en mariage de l'histoire du Virgin Tonic. Est-ce qu'on pourrait faire venir les mariés, les futurs mariés, Caro et Thomas, et le maire du Virgin Tonic, Clément Lincruste, va me rejoindre, bien sûr. Bonjour. Puisqu'il va procéder à la demande, il va officialiser bonjour tout ça. Bonjour Clément. Mais merci, merci de me recevoir. Je suis d'abord, oh, je suis très content. Qui sont beaux, regardez. Wouh, allez voir sur Facebook, ils sont magnifiques. Bravo. Caro a fait un effort. Alors t'es magnifique. Alors Thomas, t'es détente sur les fringues. Hein. Ça reste une demande en mariage. Ça va mon Thomas? Nickel. Tu veux rappeler aux gens d'où tu viens? De Nantes. Depuis combien de temps vous êtes ensemble, Macaro? Depuis 8 ans. 8 ans, il est temps de sauter le pas, poteau. Ouais. C'est ça. Et là, on y est. Ce soir, concert d'Adèle. Exact, j'ai hâte. Écoute, elle aussi, on l'a eu au téléphone. Elle nous a dit, je suis impatient de rencontrer Thomas. Installez-vous, regardez les sièges qu'on vous a mis, sans déconner. Oh là là là là, ils viennent direct de la loge d'Hanouna. Ils sont magnifiques. Installez-vous. Les amis, on voulait absolument officialiser ça. Il fallait un maire. On a choisi le franc-maçon de l'équipe. En plus, vous parliez de la loge tout de suite d'Hanouna, c'est ça? C'est mal, ça te parle. Bien sûr, c'est Clément Lincruste, le maire du Virgin Tonic, qui va procéder à l'officialisation. Thomas, en blague, bon, on est d'accord que c'est pas une blague. En vrai, tu veux vraiment la demander en mariage, Caro, hein? C'est pas une blague, c'est une vraie demande. Vous avez quel âge? J'ai 28 ans. Et Caro? 12 ans. Ah, on va avoir un petit problème. On peut être mère et avoir de l'humour. Vous vous êtes rencontrés où? On s'est reconnus, on était bébé. À 4 ans. Comment ça, bébé? Bah, en fait, nos parents étaient meilleurs amis et en allant chercher nos frères à l'école, on s'est connus dans le landau, quoi. Et vous êtes jamais quittés, mais vous êtes ensemble de... Ah, un petit peu quittés, ouais. Vous êtes ensemble, vous êtes sortis ensemble vers la vingtaine? C'est à 20 ans. Oh là là. C'est incroyable, c'est magnifique cette histoire. En fait, après, son père a été muté pour le travail, donc à l'âge de 5 ans, on s'est perdu de vue. Et puis, grâce aux réseaux sociaux, 15 ans plus tard, on s'est retrouvés. Et donc aujourd'hui, vous habitez ensemble et tout? Oui. Elle t'a rejoint ou tu l'as rejoint? Je l'ai rejoint. C'est Thomas qui fait tout dans le couple. Hein. Revenir en Bretagne, c'est pas beau ça? Ça c'est beau, c'est un bel effort. Attention, monsieur le maire, voulez-vous procéder au mariage, s'il vous plaît? On est en direct sur Virgin Radio. Allez voir les images sur Facebook, c'est parti. Virginien, Virginienne, tout d'abord merci d'avoir pensé à notre petite bourgade pour le mariage. On n'a pas souvent des célébrités, on est ravis d'avoir monsieur Combal et toute l'équipe, ça nous fait plaisir. J'avais un discours qui racontait un petit peu votre rencontre. Et allez voir les images, pardon monsieur le maire, mais vraiment il y a plein de témoins. Il y a mes amis d'enfance qui sont là, Angelo, Gilles et Sébastien. Il faut dire que c'est vraiment mes amis qui sont venus. Et alors il y a toute l'équipe, Laure, Pauline sont devant. Monsieur le maire, pardon de vous avoir coupé. Je vous en prie, vous êtes le bienvenu ici, vous le savez. Alors voilà, devant vous. Oh là, je les ai connus enfants et ça me fait plaisir dans ce petit village quand deux personnes s'unissent. Voilà, si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour Caroline et Nicolas sous l'étoile rouge de Virgin Radio. Ah mince, on m'avait dit Nicolas. C'est fini avec Nicolas? Bah, c'était hier, j'ai rompu hier du coup. Alors, si nous sommes réunis aujourd'hui, ça arrive. C'est évidemment pour Caroline et Thomas, bien sûr. Mais au mariage, c'est pour ça que tous les mecs sont en smoking et qu'on s'habille pareil. C'est juste au cas. Voulez-vous vous marier? Non, on peut changer tout de suite. Il y en a un autre qui arrive, il est sapé pareil, il peut y aller. Leur histoire, on le disait, a commencé très tôt. Ils marchaient, je me rappelle encore, à quatre pattes. Aujourd'hui, ils sont là, ils sont debout l'un à côté de l'autre. Enfin là, ils sont assis, mais on m'a écrit debout sur le discours à la mairie. Corinne, tu vas te faire taper sur les doigts. Et puis, Thomas va même se mettre debout. Puis à genoux, je vais lui tendre le micro puisque c'est lui. La star aujourd'hui, je vais lui laisser faire une demande qu'il a sûrement préparée ou qu'il va improviser. Thomas, je vous laisse ce micro et au nom de toute la ville de Virgin Radio, je vous laisse faire. Je suis là. Voilà. Il fait ça bien quand même. Hein. Oui, je vous rappelle que les municipales sont quand même dans 4 ans. Voilà. Et qu'une salle de sport serait la bienvenue à Virgin. Donc. Oh là là. Caroline, ma chérie, ça fait donc 8 ans ce week-end qu'on est ensemble et c'est 8 ans de bonheur. On s'est connus tout petit et quelque part à chaque fois la vie a fait qu'on se retrouve. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je voudrais que toi et moi ce soit pour toujours. Donc c'est pour ça que je voulais te poser une question. J'aurais voulu savoir si tu étais prête à devenir ma femme et ça pour toujours. Oui, je le veux, mon chéri. Ah, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux. Oh là là là là. Et Thomas sort quelque chose de sa poche. Mais il a vraiment une alliance et tout, c'est magnifique. Et vraiment, et ils sont merveilleux. J'espère que vous êtes avec nous sur Facebook. Je t'attendais pas la bague? Celle-là, non. Oh là là là là. Et les amis, on est même plus dans la blague. C'est incroyable. C'est tellement émouvant. Ils sont beaux comme tout. Et vraiment, on peut applaudir très fort Thomas et Caro. Bravo, mon Thomas. T'étais stressé? Merci à vous d'avoir organisé tout ça. Et ça permet d'avoir encore un souvenir de notre histoire qui est déjà atypique. Mais c'est encore un de plus et c'est génial. Merci. Oh là là là là. Vous êtes beaux comme tout, les copains. Et c'est la première demande en mariage de l'histoire du Virgin Tonic. Ouais. C'est magnifique. C'est et j'ai envie de dire, comme dirait n'importe quelle mère, qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour des places du concert d'Adèle? Et bon, on regrette pas de vous les avoir offerts. On est très heureux et vraiment de vous avoir avec nous. Est-ce qu'on pourrait chanter une petite chanson, Nico? Alors, attention. Justement, on a à tous les mariages, on a quand même des cousins. Je crois qu'il y a les cousins de la famille qui sont là et qui voulaient une fois la fête. faire une petite chanson. Vous avez écrit ça un petit peu. Alors, vous êtes les trois cousins, c'est ça? C'est les cousins d'abord, venez nous rejoindre. Venez nous rejoindre. Alors, vous le savez. Dans tous les mariages, il y a les cousins relous qu'on fait une chanson. Vous avez bu, qui messieurs. Qui n'intéresse personne. Voilà. Alors, je crois qu'ils ont préparé une petite chanson sur un air connu, comme à tous les mariages, en reprenant des paroles sur leur vie. Je vous laisse le micro, vous le gardez pas trop longtemps? Ouais, ça marche. Allez, c'est parti les cousins, parce que dans un instant, il y a votre loyer à gagner, bien sûr, loyer au 7, 12, 13. Et Caro et Thomas, vous êtes merveilleux. Vous m'avez mis les larmes aux yeux, vous êtes magnifiques. Attention, on y va. Les cousins, c'est pour vous et c'est sur Virgin Radio. 3. 4. Ils sont connus tout bébés, ils sont perdus de vue puis retrouvés. Et ce week-end, ça fait 8 ans qu'ils sont ensemble. Thomas et Caro, palapalapam. Thomas et Caro, palapalapam. Ils viennent de Nantes, elle a dit oui, grâce à Adèle et un peu Virgine. Et ce matin, on est tous là pour les applaudir. Thomas et Caro, palapalapam. Allez, monsieur le maire. Thomas et Caro. Eh ben vous savez quoi, comme dans tous les bons mariages, c'est les cousins qui pètent l'ambiance. Eh ben celui-là n'a pas loupé, les amis, allez voir les images sur le Facebook officiel. Thomas, merci d'avoir fait ça et vraiment on est très heureux, on se sent très ému et c'est magnifique. Bah c'est le cas, merci. Et là vous allez vous régaler au concert d'Adèle. Attends, là, on a très très hâte. Merci. Et fais attention à la bague. Oui, là j'ai intérêt. Attention, attention. C'est beau de voir des jeunes qui s'engagent. Hein. Et n'oubliez pas, votez utile, votez l'incruste. Restez avec nous sur Virgin Radio. C'est un beau moment qu'on a vécu grâce à vous. Vous êtes des anges, les amis, d'être venus. On va revenir dans un instant en direct sur Virgin avec un dernier loyer à gagner. Loyer au 7, 12, 13 par SMS. Voilà comment vous inscrire. Dernier tirage au sort de la semaine, c'est dans 2 secondes à peine, ne bougez pas. Lloris passe à Boateng, Boateng pour Messi, oh là là, Messi accélère, oh, il évite le tacle de Toulala, il centre pour Ronaldo, oh superbe retourne acrobatique de Ronaldo, Buffon est battu, quel but, superbe. L'intégralité de l'UEFA Euro 2016 avec beIN Sport et 100% de la Ligue 1 et de l'UEFA Champions League, les plus grandes compétitions enfin réunies dans une seule offre. En ce moment, retrouvez Canal Plus et beIN Sport à 30€ par mois dans les offres Canal pendant un an. Rendez-vous sur lesoffrescanal.fr. Offre soumise à condition pour tout nouvel abonnement simultané aux chaînes Canal Plus et à beIN Sport. C'est un très beau bébé, madame. Mais c'est une fille ou un garçon? Eh bien, c'est... C'est le retour de l'alerte discount spécial frais. Je dois filer. Aujourd'hui et demain, les tranches de poitrine de porc nature origine France sont à 3,29€ le kilo chez Netto. Quel heureux événement, cette alerte discount. Netto, le discounter qui fait la différence. Barquet de 1,080€ environ. Dis, oui. On s'offre un beau cadeau. Oh là, mais... Pour ses 20 ans, Bouygues Télécom propose la B-Box Miam. Oui. À 14,99€ par mois. 14,99€? Et la fibre est au même prix. Beau cadeau. T'es emballé? Chez Bouygues Télécom, pour nos 20 ans, encore plus de plaisir avec la technologie. Cette semaine, profitez de la B-Box Miami avec Android TV pour seulement 14,99€ par mois pendant un an au lieu de 26,99€. Appelez gratuitement le 3106. Location box 3€ par mois, engagement 12 mois, offre soumise à conditions et éligibilité. Avec Maxime et sa femme qui observent des poissons. Bah, ils profitent de la mer avec leur nouveau kit masque et tuba sans de tribord. Masque très confortable avec jupe en silicone qui épouse parfaitement la forme de leur visage. Ah, je vous interromps là, mais Maxime se fait dépasser par un gros mérou, petite frayeur. Oui, c'est ce qu'on appelle une queue de poisson. Chez Decathlon, du 18 mai au 18 juin, préparez l'été avec le kit adulte masque et tuba sans de tribord à 7,99€ seulement. Décathlon, à fond la forme, voire conditions en magasin et sur decathlon.fr. Carrefour, à vos côtés avec les bleus. Franck, t'es prêt pour aller faire les courses? Ah oui, mais c'est pas un peu trop la perruque bleu blanc rouge? Non, ça te va très bien. Papa, qu'est-ce que tu fais comme ça? Eh ben aujourd'hui, si tu viens chez Carrefour habillé en supporter des bleus entre 14h et 20h, tu peux gagner un plein de courses par heure. Ceux qui seront pas en bleu, ils vont être verts. Aujourd'hui, entre 14h et 20h, venez habiller en supporter des bleus dans votre hypermarché. Chez Carrefour, il y a un plein de courses à gagner par magasin et par heure. Carrefour, partenaire de l'équipe de France de football. Jeux avec obligation d'achat. Modalité et règlement sur carrefour.fr. Carrefour. Aujourd'hui, c'est Arthur de Lyon qui n'en revient pas d'avoir des bons à parier Quinté Plus offerts. Non, sérieux? Un bon à parier Quinté Plus offert? Wouhou! À votre tour d'être aussi heureux qu'Arthur. Pendant les jours 100% gagnants PMU du 10 au 19 juin, votre bon à parier Quinté Plus est offert à tous les coups. PMU, vivez vos émotions à 100%.

tirage de 6h20, de 7h20, de 8h20. Que des gagnants ce matin. Et là, on est parti pour ce dernier tirage au sort. Et vous savez quoi? Je vais m'éclipser, je vais laisser le maire, monsieur l'incruste. Oh, mais c'est un honneur, merci. Offrir le dernier loyer, monsieur le maire, l'antenne est à vous. Merci à vous, puis vous savez qu'on a une belle salle de spectacle aussi dans la ville. Si vous voulez revenir, monsieur Combal, vous êtes le bienvenu. Est-ce que vous savez qui on appelle? Aucune idée. Très bien. Aucune idée, monsieur le maire. Le maire pour offrir la taxe. Allô, bonjour mon petit. Je vous appelle, je suis le maire de, enfin, d'une certaine radio. Je vous appelle, oui. Je ne sais pas si vous écoutez, en tout cas. Quel est votre prénom? Philippe, vous habitez où, Philippe? Aubusson. Oh, c'est une belle commune, je connais bien le maire, Richard. Vous avez quoi comme télé, Philippe? J'ai télé, non, c'est pas une Philippe. Ah, c'est dommage. Eh mince, on a offert un iPhone 6S à Philippe qui avait une Philippe, on en a refaire un autre. Je suis, pardon Philippe, je suis avec les petits plaisantins, donc en direct sur la radio. Ils m'ont demandé de. Donc un petit questionnaire qui se compose d'une seule question, hein, c'est assez facile. D'accord. C'est comme voter, il y a juste une réponse à faire. Je vous rappelle qu'au mois de mai prochain, je serai candidat. Bref, je suis là pour vous poser une seule question. Quelle est la seule radio en France et à l'étranger aussi, je crois, hein, parce que moi je connais surtout la France, parce que j'ai des amis députés qui sont d'ailleurs, France, si vous avez besoin de quoi que ce soit. Et je rappelle, attention, hein, pour les prochaines élections du maire de Virgin Radio, Morgane se présente sur une liste dissidente. Ça va être compliqué. Écoutez votre cœur, n'écoutez pas. D'accord. Ginger. La question qu'on vous pose, c'est tout simplement, quelle est la seule radio qui paye votre loyer? Virgin Radio. Bravo, merci monsieur le maire. Eh ben, je vous en prie, de combien, parce que je connais un petit peu la bourgade, de combien sont les loyers chez vous par exemple? 600 euros, ben, vous savez que pour 500, vous pouvez venir dans la commune, on attend, on crée des... Enfin les jeunes couples sont les bienvenus, les plus anciens aussi, oui. Tout le monde. Une très belle commune, Virgin Radio. Tout le monde sont les bienvenus finalement. Tout le monde, exactement. Et je rappelle que vous cherchez un médecin aussi. On cherche un médecin depuis maintenant 10 ans, c'est assez compliqué. Mais bon, plus on est de fous, plus il y a d'électeurs, vous le savez, donc vous êtes forcément le bienvenu. Bien sûr, merci Clément, on embrasse tous les francs-maçons qui nous écoutent. Ils sont représentés à travers Clément Lacruste. Bravo mon bichon, t'es le gars, dernier gagnant du jour. On a eu que des gagnants ce matin et on en a eu beaucoup cette semaine. J'espère qu'on vous a fait plaisir avec ce loyer. Salut poteau. Salut à toi, merci d'avoir participé. Les amis, c'était le dernier tirage au sort de la semaine. Rassurez-vous, 4 loyers à gagner une nouvelle fois. Je monte très haut dans les aigus, oui. 6h20, 7h20, 8h20 et 9h20 dès lundi bien sûr, même si demain matin on sera en best-of de 6h à 9h avec Will Clément. Et j'en profite aussi parce que je sais que vous êtes une radio que vous diffusez. On a un groupe de musique dans la commune, ils peuvent venir rejoindre. J'aimerais vous les présenter, ils ont un... Si vous nous rejoignez à l'instant, on vient de vivre un moment magnifique avec la demande en mariage de mon petit Thomas avec sa chérie Caro. Ça fait 8 ans qu'ils sont ensemble, ils ont fait ça en direct sur Virgin Radio. Allez voir les images sur le Facebook. On a entièrement redécoré la cour et on a prévu encore une petite chanson. Ah. Parce que sur Virgin, on aime chanter. Ouais. Je vais pas chanter moi, mais j'écoute. On va vous faire ce cadeau et je rappelle, ce soir, ils vont au concert d'Adèle quand même. C'est magnifique. Ah, c'est beau. Adèle. Oh là là là là. Et les meilleures places, hein. Oui, monsieur le maire, qu'est-ce que vous voulez, oui, encore? Je vais juste dire à nos jeunes Mike, si toutefois, bon, ça marche pas, qu'ils se séparent, qu'ils se remarient, la salle sera à moins 50%. Voilà. C'est le petit cadeau de la mairie, on vous offre ce petit cadeau bonus. Voilà, on est comme mais ça. Mais non, ça durera toute la vie parce que on c'est vous le souhaite, histoire. Mais sinon, il y a moins 50%. Évidemment qu'on espère. Et Thomas et Caro, ils nous ont mis les larmes, ils nous ont mis les poils. Ils se connaissent, ouais, depuis qu'ils sont tout bébés. C'est magnifique. Leurs parents sont ramis. Non, mais arrête. Oh là là là. Ils cassent tous les beaux moments, mais c'est quand même dingue. Ah ouais. Oh, mais quel relou, mais c'est pas possible. Le groupe du village, approchez. Oui. Bonjour, Jean-Pierre, cousin du maire. Hein. Pas besoin de le dire. Non, non, ah c'est, oui, pardon. C'est un artiste, c'est pas parce qu'il est de la famille, c'est un vrai grand artiste, il va vous le prouver. Excusez-moi. Ça va. Et donc, on a vu une chanson. Bazar. Bien sûr, on passera à la fin faire une quête, hein. C'est prévu. Je vais m'en occuper personnellement. Ça y est, ils se sont dit oui sur Virgin. Pour le meilleur et le pire. Comme ils sont beaux, Thomas et Caroline, le meilleur est à venir. On pensait que c'était du bidon, juste pour aller voir Adèle. Mais en vrai, ils aiment et si et si. Ils appelaient leur enfant Camille. Ça marche pour les deux. Ne lui faites pas ça. C'est vrai. Ça marche pour les deux. Si c'est un garçon, c'est vrai que c'est dur. Ça marche pour les deux. Je t'emmerde. Ça marche pour les deux et on vous souhaite tout plein de bonheur. Et on les applaudit bien fort. Merci à eux deux d'avoir joué le jeu. C'est des... les amours. Je le dis tout le temps, mais on a vraiment les meilleurs auditeurs de France, les plus mignons, les plus drôles. Merci vraiment à tous les deux, les copains, d'être venus. Je vous donne rendez-vous lundi dès 6h en direct sur Virgin Radio. Et demain, je le disais, en best-of. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, rien du tout. Je disais bonjour à des gens de la commune voisine qui sont juste là. Voilà, n'hésitez pas à venir à Virgin Radio, mais vous serez les bienvenus. Merci à Clément, le monsieur le maire de Virgin Radio, plaisir, d'avoir organisé ça. On a vu la facture Big Malion passer. C'est, écoutez, c'est voilà. Poussif, hein, quand même. Hein. Que diriez-vous d'un bateau, monsieur? Parce qu'on en a, on en a vraiment. On les offre gratuitement si vous rejoignez notre circonscription. Les amis, on a passé un très belle semaine avec l'équipe, avec Laura, avec Pauline, avec Ginger, avec Nico du bureau et puis tous ceux qui sont derrière. Vraiment, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous lundi 6h. Pierre, allez, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Ah, bah, je suis venu assister au mariage. Attends. Mais t'as une émission à faire. Mais ouais, mais je vais remonter tout de suite. Mais je voulais voir aussi monsieur le maire. Oui. Oui, j'ai quelques soucis là dans ma rue en ce moment. Voilà, je voudrais vous en parler. Avec grand plaisir. Et sur Tinder, on en est où du mariage alors? Parce que vous savez que vous êtes le bienvenu. On en reparlera plus tard. On vous fait moins 35% pour la salle. Hein. Ah, non, mais vous êtes vraiment le bienvenu. J'ai pas compris, mais vous m'avez expliqué l'application. Il est sur... J'ai en train de développer une application un petit peu comme Tinder. On va en reparler tout à l'heure. Voilà, tout à fait. Bien, évidemment. Bon, Pierre-Alex, le seul animateur de Virgin Radio qui est dans une cour. Il est même pas derrière ses platines, comme on dit. À la fenêtre là-haut, il y a le patron. On dirait un père vert en train de surveiller tout le monde dans l'immeuble d'en face et qui surveille tous les gens. Qu'est-ce que c'est? On dirait la pub égoïste. Égoïste. Il est avec Loïc, notre stagiaire. C'est n'importe quoi, cette radio. Merci en tout cas d'être avec nous chaque matin. Des bisous, mon Thomas. Des bisous, ma Caro. Une belle vie à tous les deux. Et c'est parti. Pierre-Alex, donc, il se passe quoi? Eh ben, on écoute 21 Pilots. Ah, génial. Ah, c'est parfait. Bien les jeunes qui s'engagent musicalement. Tout à fait. Oh, c'est formidable. Je vais prendre ma carte. En même temps, pour faire ça, c'est vrai que tu pouvais être dans la cour. Ça va. Les amis, c'est parti. 21 Pilots et notre poteau Pierre-Alex qui est avec vous jusqu'à midi. C'est parti sur Virgin Radio. Merci encore à vous tous. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice to sing some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think. My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Sometimes a certain smell will take me back to when I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I'd probably only sell one. Maybe to my brother, cause we have the same nose, same clothes, homegrown, a stone's throw from a creek we used to roam. My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. And give each other different names. We would build a rocket ship and then we fly far away. Used to dream about a space, but now they're laughing at our face, singing, wake up, you need to make money. Yeah. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. We used to play pretend, used to play pretend, money. We used to play pretend, wake up, you need the money. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yeah. Pop, rock, electro, Virgin Radio. Virgin Radio.